sortez du boulot. Les enfants hurlent à l'arrière de la voiture. Vous êtes bloqué dans les embouteillages. Pas de panique. Branchez-vous sur Fun Radio. Fun. L'Happy Hour avec Audrey. Ça commence maintenant sur Fun Radio. Oh que oui, ça commence maintenant. Même le lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine. On est avec vous jusqu'à 20h en mode Happy Hour. C'est peut-être la première fois que vous vous branchez sur Fun Radio. Déjà merci, ça fait plaisir. Moi c'est Audrey. On fait les présentations. Il y a Fab. Présent. Voilà, il y a Sandro aussi. Hey. Sandro qui est de retour de vacances. Bonjour tout le monde, ça va? Pourquoi t'es pas bronzé? Comment te dire? En fait, j'ai plus profité dans l'appart à dormir jusque 13h et puis voilà, j'ai bronzé. Deux secondes, blague à part, j'ai vu sur le Facebook, il était pas tout seul le minou. Bah non, bien accompagné. Je suis bien accompagné. T'avais rechargé le cartouchier, hein? Voilà, j'ai rechargé le cartouchier avant de partir en vacances, donc voilà, tout va bien. Eh ben, t'en as de la chance, mon Par contre, j'ai fait une petite connerie ce week-end. Oh, ça y est, attention. J'ai un peu honte, je vous annonce officiellement. Que tu es célibataire? Non, que je me suis inscrit chez Basic Fit. On y va. J'ai fait le pas de m'inscrire. Non, mais c'est bien. Non, je sais pas félicite. Quand je vais y aller. Non, mais c'est bien. Alors, la démarche, c'est ça. C'est d'abord, il faut y aller, il faut s'inscrire. Est-ce que tu as acheté ta nouvelle tenue de sport qui va te coûter au moins 200 boules? Pas encore. C'est ça, en fait. Il faut partir de là. Il faut s'inscrire, t'achètes une tenue et que tu ne vas pas utiliser, et puis tu ne feras pas de sport. Et puis voilà, comme ça, tu auras pris ton abonnement pour rien. On a Alison qui est là aussi. Coucou. C'est la nouvelle stagiaire de l'émission. Ouais. Ah non, mais depuis qu'il y a une autre meuf dans le studio, les gars, ils sont chauds patates, quoi. Elle arrête pas de se faire vanner par Fab. Non, mais on est chauds patates parce que t'as un décolleté aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, j'ai fait un effort. Vive la chaleur. Vivement l'été. Il fait méga chaud par contre, hein. Et franchement je suis en train de transpirer dans le studio. Tu veux que t'éponge? Non. T'épongeras rien du tout. Tout à l'heure je me suis pris la honte aussi, blague à part. Je suis allée voir un pote, je suis allée lui dire bonjour. Et puis au lieu de me faire la bise, il me serre la main. Je me dis qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il te serre la main? Pourquoi tu me serres la main? On se connaît. Bah les mecs ça se fait pas la bise. Non. Dis. J'ai tout ce qu'il faut là où il faut, si tu veux. Un jour, je te montrerai. Et bien plus. Non, mais oh, c'est pas ça. C'est que le truc aujourd'hui, et moi, j'y avais pas pensé, c'est le premier jour du ramadan. Non. Ah, bah si, musique de circonstance. Allez. C'était bien sûr une imitation douteuse. Hein. Non, mais très du coup, douteuse. On souhaite, ça se dit, un joyeux ramadan. Non. Ah, choucrane. Ouais, non, choucrane, c'est merci. Mais je pense qu'il faut surtout dire courage, quoi. Oh, courage. Avec les 30 degrés c'est qui fait dégueulasse, dehors. Hein. Bah, t'imagines, le premier jour du ramadan, tu te prends 27 degrés dans les dents et tu peux pas. C'est ça, tu peux pas boire, hein. Ah ouais? Non, tu peux pas boire ni manger, quoi. Mais jusqu'à quelle heure? Jusqu'au coucher du soleil. Oh là là, et franchement. Heureusement qu'Audrey, tu fais pas ramadan. Mais laisse tomber, jamais de ma vie j'aurais pu faire ça. Je suis trop gourmande. Une petite pensée pour toutes les haleines de chacal dans le métro. Hein. Oh non, Fab. Si tu bois pas et qu'il fait chaud. C'est vrai que ça doit un peu être particulier. Non, mais blague à part, bon courage à tous ceux qui font le ramadan là. D'ailleurs, pour tous les courageux et pour tous les autres aussi, hein, même si vous avez mangé aujourd'hui, on va vous récompenser tout à l'heure parce qu'on aura du cadeau avec une planche à roulettes 2.0. Une planche à rouler de Ah bah non, en fait c'est un overboard. Voilà. Oh, mais s'il vous plaît. J'explique le truc pour que Fab, qui a bientôt l'âge de 70 ans, comprenne le cadeau qu'on offre aujourd'hui sur Fun Radio. Qu'est-ce que c'est que donc? Explique-moi bien là, ton histoire de board, je ne comprends pas. C'est comme un skateboard, mais avec un moteur dedans et ça avance tout seul, dit. Oh, tu ne dois plus pédaler. C'est génial, je vous explique tout ça après les infos. Allez, hein. Allez, plus et, vite. La chaud la machine. Hein. Fun Radio. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparixl.be. Et sinon, comment il s'est passé votre lundi? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Vous avez repris le boulot? Vous avez été vous faire une petite piscine, une terrasse? Dites-moi tout. 3044, c'est le numéro pour nous envoyer des petits messages. Je vais tous les lire juste après les infos maintenant avec Carlo Morello. Salut Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Grave accident ferroviaire hier soir vers 11h à Saint-Georges-sur-Meuse en province de Liège. Un train de voyageurs a percuté un train de marchandises à l'arrêt présent sur la même voie. À une vitesse plutôt importante, le bilan fait état de 3 morts et 9 blessés, dont une personne dans un état grave. Sous le choc, 2 des 6 voitures ont déraillé avant de se coucher sur les voies. Ça n'a pas empêché le bourgmestre de la commune de parler de chance. La chance qu'il n'y ait pas plus de victimes, compte tenu de la violence du choc. La circulation des trains a dû être interrompue entre Namur et Liège. Interruption qui devrait durer plusieurs jours. La SNCB va mettre en place un service de bus. Donc voilà, les grèves dans les chemins de fer ont du bon aussi. Il va s'agir maintenant de déterminer les causes de l'accident. Les porte-parole d'Infrabel signalent qu'un incident lié à la foudre avait eu lieu sur cette ligne un peu plus tôt dans la journée. On parle d'un dérangement de la signalisation. Je faisais allusion à la grève dans les chemins de fer la semaine dernière. Une grève en passe de s'achever également dans les techs wallons. La situation revient doucement à la normale un petit peu partout. Je ne vais donc pas rentrer dans les détails, hein, si ce n'est que ça a encore coincé pas mal ce matin du côté de Mons. Au moins de 20% des bus sont sortis des dépôts ce matin. Et surtout dans la région de Charleroi, là ça coince toujours complètement. Vu que le blocage reste total et le restera au moins jusqu'à demain. Une assemblée générale des chauffeurs affiliés à la CGSP décidera alors de la poursuite ou non du mouvement. Je souhaite poursuivre un bon mois de Ramadan à tous les musulmans de Belgique et même du monde entier, hein, soyons pas restrictifs. Bon mois de Ramadan et bon courage aussi parce que ne pas manger et surtout ne pas boire entre le lever et le coucher du soleil alors qu'il fait hyper chaud et que les journées sont particulièrement longues, ce sont même les plus longues de l'année. Ben, ça ne doit pas être évident pour tout le monde. Hein. Cela dit, la règle ne s'applique pas aux femmes enceintes, ni aux personnes handicapées ou aux enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté. Le début de ce mois sacré consacré aux prières et à la charité, qui est un petit peu l'équivalent du carême chez les chrétiens, est terminé par l'apparition du premier croissant de lune, le calendrier musulman étant lunaire. Et puis pour les amateurs de football international, on peut parler de mois sacré tous les deux ans, à l'occasion de l'Euro ou de la Coupe du Monde. C'est du 10 juin au 10 juillet que se déroulera en France l'Euro 2016, avec nos Diables Rouges hein, parmi les favoris. Un statut qu'ils vont avoir du mal à faire respecter s'ils ne trouvent pas un petit peu plus de stabilité en défense. Hein. Hier soir, la Belgique a livré à domicile son dernier match de préparation contre la Finlande. Elle a gagné 3-2. Elle a fait preuve de caractère pour émerger en fin de rencontre, hein, alors que le score était de 1-2. Mais derrière, une fois de plus, tout n'a pas été parfait. Il reste donc quelques jours à Marc Wilmots pour effectuer les réglages qui s'imposent. Fun Radio. Maintenant dans les stations Qwest avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Qwest. Bon, on va commencer cette émission par un jeu. Il fait chaud, vous êtes sur la route, peut-être même dans les bouchons. Du coup, on va se divertir et en plus de ça, vous allez repartir avec du cadeau Fun Radio. C'est le Tic Tac Boom qui arrive. Si vous voulez venir jouer avec nous, vous envoyez Tic par SMS au 3044 et on se fait ça bah, juste après le son de Rochelle. Et la météo, Carlo, alors il va faire toujours chaud comme écoute, ça. Moi, je vais t'annoncer un truc, c'est qu'à Bruxelles, on a vraiment droit à un microclimat parce que hier, j'ai passé la moitié de la journée sur une terrasse à me prélasser au soleil, alors que dans le sud du pays, bah, c'était des inondations. Aujourd'hui, c'était le même programme. Hein, en principe, pas mal d'orages alors qu'il a fait super beau dans la capitale. Donc demain, je ne sais pas trop. Et ce qu'on annonce, c'est du soleil en début de journée avant le retour des orages, mais visiblement pas partout. Température, ben, comme aujourd'hui, au-dessus des 25 degrés. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Rochelle. Salut. Fun Radio. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Fun Radio ! Ah là, c'est énorme ! Are you ready ? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Fire. Fire in things that you're doing. So keep on and give me that thing that you want me to feel. I love the way that you're doing the things that you're doing. So keep on and give me that, keep on and give me that, give me that. Got you in my bones. I want you, but no one knows. I want you, but no one knows. Got you in my bones. I want you, but no one knows. I want you, but no one knows. All night long. Our fire's gone. We dance in the danger zone. Come feel how my river flows. All night long. All night long. Boy, I want you. All night long. Bon après-midi sur Fun Radio. Ça, c'est le son de Benny Benassi. Je vous ai calé pour la suite avec Paradise. Vous avez entendu le bruit suspect? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? C'était mon doigt. En fait, c'est Fab qui essaye de se rapprocher de moi tranquillou, genre comme si de rien n'était, tu vois. Genre, il glisse sa main jusqu'à la mienne. Mais pourquoi il fait ça? Je sais pas. Juste pour la perturber. Je sais que Fab perturbe beaucoup les femmes. Non, moi je crois que tu essayes de me faire passer un message. Mais tu n'oses pas vraiment. Ouais, mais je viens de perdre un doigt là. Ça arrive souvent dans ces cas-là. Oh, ça va, on rigole un peu, dis. On va se faire le jeu du tic-tac-boom là maintenant avec du cadeau Fun Radio à la clé. Le jeu du tic-tac-boom, c'est pas très compliqué. En gros, il y a une liste de mots. Ouais. Ça fait peur. C'est pas Halloween, hein. Il y a d'un côté Fab, alias invaincu depuis le début. C'est vrai qu'il se la pète un peu quand même, mais c'est vrai. Il y a de l'autre côté Sandro, vaincu depuis le début. C'est ça. Il est plutôt mauvais à ce jeu, mais bon voilà, il se défend plutôt pas mal. Le but, c'est d'essayer de faire deviner un maximum de mots aux auditeurs qui vont jouer avec vous. Alors on a Isabelle qui vient de Neupré, qui a 40 ans. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Très très bien. Et qu'est-ce très qu'elle fait? Pardon? Qu'est-ce qu'elle fait là, Isabelle, ce soir? Moi, je fais la purée. Ce soir, rien d'extraordinaire. Je dois conduire mes neveux au Luxembourg tout à l'heure. Et voilà, je suis à la maison et je me préparais à partir. Donc voilà. Eh ben, écoute, t'as bien raison du coup de venir jouer avec nous parce que peut-être que tu vas repartir avec un cadeau Fun Radio. Isabelle, tu veux être dans l'équipe de qui? Tu choisis Fab ou tu choisis Sandro? Vu comment vous avez vendu, je pense que je vais prendre ça. Merci Isabelle. Merci, je le sens. Non mais merci beaucoup. Attends, je me sens aimé. T'as remarqué que même en étant considéré comme le meilleur, je deviens un lot de consolation. Ouais. Mais ça c'est toute l'histoire. Et de ça, ta c'est vie. Beau. Mais c'est pas grave. Non non, du tout. Non, mais Isabelle, c'est bon, écoute, c'est bon, il faut ça le mettre. C'est un plaisir de jouer avec vous donc. Oh, c'est gentil, oh, c'est ça, mignon. Isabelle. On ne te fera pas gagner pour autant, hein. Arrête un petit peu de. Fais gaffe. Hein. Alors, Isabelle, tu vas devoir affronter de l'autre côté Jonathan qui vient de Mons. Bonjour Jonathan, comment ça va? Bien le bonjour, je vais bien vous-même. Ah, c'est super, dis-toi un peu l'accent liégeois, t'es sûr que tu viens de Mons, soifieux? Ben, je suis déjà passé à la radio, moi, il dit que t'as la même chose. Ah bah, dis donc. Toujours mon pack fun. Ah bah, ça, tu l'as toujours pas perdu, alors, cet accent. Bon, Jonathan, du coup, comme Isabelle, elle a choisi Fab, il te reste Sandro. Bon, j'espère que t'es bon, hein, Jonathan. Mais je peux gagner quelques points bonus d'avance, alors. Non, mais bien essayé. T'es bien à Montois, toi, hein. Oh, t'es bien à Montois, espèce d'arnaqueur, va. Bon, eh ben, pour la peine, c'est toi qui vas commencer à jouer avec Sandro. Voilà. Ah, t'es pas dans le monde. Donc, tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir faire la démonstration de tes talents. Alors, Jonathan, est-ce que tu Allez, es prêt? Filme la feuille. Allez. Allez. Allez, 3, 2, 1, go! C'est parti! On en a souvent une dans la famille. Fais gaffe. Une seule. Voilà, bien joué. Il y en a. Ça. Comment dire? Merde. Il y en a dans l'espace. Et ça va très vite. Les astéroïdes. Non, l'autre. Les météorites. Non, l'autre. Qui commence les par étoiles. Un C. Non. Les étoiles filantes. Non. Qui, comment on peut dire. Les satellites. Hein? Les satellites. Non. Les satellites. Bah, ça habite dans l'espace. Non, mais attends, Jonathan, c'est parce que Sandro, il découvre qu'il y a des satellites dans l'espace. Pour lui, c'est un cours en même temps. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'était ça, satellite, ça commence par mais... C. Bravo, bonne réponse. Non, et bah. Mais comment tu peux. Désolé, les gars, mais ça fait donc du coup que un point. Oui, mais comète, comment tu peux décrire une comète? Une comète? Bah, c'est. Écoute, tu te débrouilles, hein. Ça, c'est pas c'est le. C'est ça. C'était ton taf. Bah, l'astéroïde, il me dit l'inverse. Bah oui, bah oui l'inverse, bah il dit c'est n'importe pas une quoi. Bah ben pour non. Moi, là, c'est une météorite. T'as bien raison, moi Jonathan, je te crois moi. Bon, bah Jonathan, on va voir si Isabelle est ça capable de deux. Faire mieux. Si, mieux tu, si vous faites deux, et bah c'est gagné du coup. Isabelle, est-ce que tu es prête? Eh oui. Eh bien, on y va dans 3, 3, 2, 1, let's go. Tu en mets à tes pieds pour marcher. Les chaussures. Voilà, tu vas le voir quand t'es malade, il te fait des ordonnances. Le docteur, le médecin. Bravo. Wow. Tu montes dessus pour repeindre un mur, un toit. Une échelle. Bravo. Tu en as un dans ta voiture pour conduire. Ah, mais c'est bon. Ah, voilà. Bravo. Dis, on a le temps, Isabelle, on ferait pas un peu plus que l'essence, on l'avait gagné de toute façon. Tu viens d'où, tu m'as dit, tu es célibataire, c'est ça? Je cherche à caser Sandro, le pauvre. Non, allez, viens, on fait encore un mot. Tu cuisines dedans. Une casserole. Mais c'est trop facile. Hein. Il y en a dans la rue, c'est un tronc en bois et puis au-dessus, c'est vert. Attends, j'ai pas compris là. C'est pas grave, on a gagné. Bravo, oui. Ouais. Isabelle, félicitations, t'es la grande gagnante du tic-tac-boom. Et voilà, ça c'est fait, tu repars avec ton pack fun. C'est moi, c'est très heureuse. Oh, c'est une histoire de famille. C'est mignon tout ça. Isabelle, je te fais des gros bisous. En tout cas, tu raccroches pas comme ça, on va te filer ton pack fun, d'accord? D'accord, super. Gros bisous, merci. Isabelle, bisous, bisous. Et Jonathan, écoute, tu repars avec ton autocollant fun radio. Voilà. Ça te fait plaisir? Bah, vaut mieux que rien quand même. Bah, ça, c'est une bonne mentalité, ça, mon Jonathan. Je te fais des gros bisous en tout cas. Merci. Et pense aux comètes, hein. Oui, pense aux comètes. Tu reviens quand tu veux, Jonathan. Passe une bonne après-midi. Dans un instant, on va sur le son de Riri, alias Rihanna. Et on aura du cadeau aussi pour vous avec un overboard. Je vous explique tout ça juste après Benny Benassi. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah, that's keeping you warm, saying fire. Now we're burning up, not over. Yelling, turn it up, let go, let go, let go. In paradise, the closer I tonight. all get up right now. 'Cause all we got is right now. Tomorrow. Vas-y Riri, donne tout. Et maintenant il faut laisser sa place à Imani. Donc Bisson Chai qui arrive sur Fun Radio. Et pour les fans de Maître Gims, restez bien là, parce que je vous ai calé son nouveau son. On l'a reçu avant tout le monde sur Fun Radio. C'est Ma Beauté. Ma Beauté. C'est le titre du son, c'est Ma Beauté. T'es vraiment de toute beauté, ça arrivera dans quelques petites minutes. T'imagines Maître Gims avec un accent comme ça? Ça peut être drôle quand même. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas, on nous pirate. Oh, sabotage. Sabotage. On est coupé. Qu'est-ce que c'est, toi qui as fait de la merde? Non, je n'ai rien fait. On a reçu une nouvelle console. T'as touché le mauvais bouton. Je n'ai rien fait. Petite crapule. Arc. Je promets, je n'ai rien fait. Non, mais en même temps, c'est la chaleur, quoi. Désolé, même les machines, elles pètent un plomb, mais il fait chaud. Oh, on a mis l'airco dans le studio. J'ai l'impression que ça sert à rien, à que dalle. Je dégouline. J'ai trop chaud. Fab prend toute la chaleur. Ouais. Je sais pas ce que t'as voulu dire, mais c'était sympa. Bah, je vais faire un tour et puis j'en reviens. C'est la chaleur. Qui... Sandro aussi, ça a une influence sur ce qu'il dit en fait. C'est intéressant. Oui. C'est son cerveau qui. Non, mais qui... il fait combien de degrés là? Moi tout à l'heure, quand je suis venu en voiture, il faisait 26 degrés. Dites-moi, il fait combien de degrés vous de votre côté? 30, 44 pour vos petits messages. Il paraît qu'à Mons, c'est déjà le déluge total. C'est orage avec des grelons, c'est grande catastrophe. Liège, pareil. Est-ce qu'il fait beau? Comment il fait? Est-ce que vous êtes en vie? Est-ce que vous allez bien? On prend des nouvelles de vous, ça m'inquiète. J'attends vos petits messages. 30, 44 pour communiquer avec nous. Non mais rigole pas, je te jure, t'as pas vu les photos de Mons? Bah si j'ai vu, mais moi je sais que ça va nous tomber sur la gueule hein. Bah c'est ça le mauvais... Non, Carlo a dit tout à l'heure qu'on était dans un microclimat à Bruxelles. Ouais mais Carlo... J'y crois pas trop parce que quand tu regardes ce qui s'est passé à Paris, à un moment donné ça va redescendre chez nous. Ouais non, hein, faut pas déconner. Bah hein. Si, l'eau de Paris, faut bien qu'elle aille quelque part après hein. Et sinon tu penses qu'on aura aussi les flics qui vont faire du petit bateau comme ils ont essayé de faire en France? Ah oui j'ai vu. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais franchement c'est à mourir de rire. T'as des sauveteurs qui essayent de monter dans une petite barque parce qu'il y a des inondations en France. Mais en fait, ils n'y arrivent pas. C'est une hein. barque à deux balles, quoi. Tu vois, c'est un truc en plastique, ils sont en trois dedans. C'est à mourir de rire. Non, mais ça ne ressemble à rien. Sérieusement, si vous avez l'occasion, on va vous mettre la vidéo sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. On va se faire le son de Imani maintenant, comme promis. Don't be so shy. Et ça, c'est le nouveau Maître Gims qui arrive dans un instant. Ma beauté sur Fun Radio. Allez, dites-nous comment vous allez. 3044 pour vos messages.

je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Qu'est-ce qu'il est bien le nouveau Maître Gims. C'est la première fois qu'on vous le passe dans l'Happy Hour. C'était Ma Beauté sur Fun Radio. Dites-moi ce que vous en pensez, 30-44 pour vos messages. Et ça c'est l'hymne officiel de la Coupe d'Europe. On y est bientôt, c'est vendredi les premiers, le premier match hein. David Guetta ah ouais avec Zara Larsson. Bah oui c'est vendredi hein. Ça y est, vous mettez un doute. Me regardez pas, moi je sais juste que l'Italie joue le 13. Le reste, j'en sais rien. Attends, bah, c'est si. le 10. Le 10, c'est quand? Eh ben c'est vendredi, voilà. Bim. Ah, okay. C'est quand même bizarre que ce soit la fille, tu vois, la seule fille dans l'émission qui connaisse plus le foot que vous deux, quoi, les gars. Sérieux. Toi, t'as déjà fait ton planning. Tu sais qu'à partir du 10, il y a des matchs de foot tout le temps, donc tu vas aller au resto, tu vas. J'ai tout préparé. Je les ai reçus, je les ai pas encore mises. De toute façon, j'ai plus de permis, donc on s'en fout. Mais j'ai reçu, tu sais, les trucs qu'on met au rétro. Ah ouais, drôle. Avec le drapeau noir, jaune, rouge et tout. J'ai acheté un petit drapeau que je peux mettre sur ma fenêtre. J'ai le truc et aussi le sticker pour mettre sur les joues. Oh, j'ai la bien, casquette et j'ai le petit truc. Comment on appelle ça? Les tourbillons? Non, c'est un. Comme si t'étais un hélicoptère. Une hélice. Voilà, une hélice aux couleurs de la Belgique. Noir, jaune, rouge. Donc, est-ce que t'as les chaussettes et la culotte aussi? Encore. Non, non, bon, mais moi je suis bien sûr des caches-tétons noir, jaune, rouge. Des caches-tétons? Ouais, et alors comme ça tu pourras faire l'hélice avec tes nénés. Ouais, enfin ça. On fera ça une autre fois si tu veux bien. Okay, si ça te dérange pas. Bon, ça m'a traumatisé quand même. On a Déborah qui est là, qui vient de Ornu. La pauvre Déborah, elle est dans un de ces déluges. Sérieusement, il paraît qu'il fait super mauvais. Bonjour Déborah. Bonjour. Oula, qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est la pluie qu'on entend? C'est la pluie en fait. Je suis bloquée dans ma voiture. Oh. Et c'est la pluie, les grelons. Enfin, c'est grelons qui forment sur la route. Oh. Oh super, c'est une vanne, il y a des grelons. Oui, non, voilà. Ça, non, ça, je suis pas d'accord. Ouais, ouais. Et tu mets un verre dehors, ça te ferait des glaçons pour l'apéritif. Oh ouais, vas-y. Non, faut pas déconner, on est au mois de juin, les gars, sérieusement. Au mois de juin, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, les grelons? Bah, ça peut être sympa, quand les même. Les giboulées de mars, d'accord. Les trucs en mai, machin, te découvre pas d'un bazar, ok. Et puis en juin, c'est quoi? C'est tu te fais arnaquer bien comme il faut, c'est ça? C'est ça, c'est. Au niveau grelon, pourquoi maintenant? Bah ouais, et on dit ici c'est plein orage et ça claque fort avec de sérieux éclairs du côté de la Louvière. Coucou Audrey, ça va arriver chez lui. Je t'achète des sous-vêtements à la couleur de la Belgique. Qu'est-ce que tu vas mettre? Non, enfin les gars, ça va aller, ouais. Non, personne ne va m'acheter de la lingerie aux drôle. Couleurs. Bon allez, ça va, si ça peut être drôle quand même. Ah ouais, si franchement. Un mais sensif. Du coup, on peut regarder? Non. Ah bon, bah d'accord. J'ai réfléchi une demi-seconde quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, à Rocourt, c'est le bordel aussi d'après Christophe. Moi, depuis hier, c'est le bordel dans ma rue. La commune travaille toujours pour enlever la boue et mettre des sacs de sable. J'habite à quoi? À Fexeslin. Je connais pas. D'accord. Ah, c'est à 5 minutes de Recours. Voilà, comme ça on situe mieux. On me dit coucou, moi je quitte Forêt pour la douche sur l'autoroute à l'eau plus une goutte et tout sec. Bisous les à amis. Forêt. À Forêt. Il manque des mots. Donc il pleut chez nous aussi? Ben non, il pleut pas. Vas-y, en fait, je vous explique maintenant, on voit plus les fenêtres. Donc Alison, ouvre la fenêtre qu'on voit un peu quelque chose ici. On nous a enlevé les fenêtres. Il pleut ou il pleut pas sur Forêt alors? Bah non, ah bah pas. Si, il pleut. Ouais, mais il pleut pas. Un petit peu, c'est des petites gouttelettes quoi. C'est ça, l'autre côté, il y a des grelons quand même. C'est pas comme chez Déborah du côté de Ornu où c'est le gros bordel. On me dit, moi, il y a de la pluie, c'est encore chiant. À Charleroi, ça vient de passer. C'est Taxi Quentin qui nous dit ça. C'est quoi, le 24, on fait une raclette le 24 juin pour Noël? Ah ouais, ouais. Faites Noël tous ensemble. On peut faire ça, ouais. Et j'ai un pote, il a ressorti son sapin de Noël pour la vanne. Non. Je vous jure, mais il a raison, c'est drôle. Dites-moi, vous, comment il fait chez vous? Il fait beau, il fait pas beau? Comment ça se passe? On attend tous vos petits messages, hein, 3044 pour les envoyer. Et pendant ce temps-là, on se fait le son de la Coupe d'Europe avec David Guetta featuring Zara Larsson. Et pour tous les footeux, là, les gars, c'est vendredi le premier match. Commande les Belges, on va les niquer. Écoutez, ça s'est passé ce matin chez Evan et la Tribu. Justine, cite-moi en moins de 5 secondes 3 marques de dinosaures. Top! Des marques? 3 dinosaures, vas-y. C'est ça. Un Raptilingus. Evan et la Tribu, demain, 6h-9h sur Fun Radio. Le tout nouveau Samsung Galaxy S7, vous en rêvez? Avec l'avenir, offrez-vous votre smartphone ainsi que toute l'actu belge, internationale et celle de votre région pour seulement 28€ par mois. Faites-vous plaisir et profitez de cette offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir est au contenu. Cette semaine, chez Lidl, 500 grammes d'aiguillettes de poulet plus 500 grammes gratuits, soit 5,39€ le kilo. Cuisinez ces bons morceaux de poulet à vos enfants maintenant, parce qu'en regardant la Coupe d'Europe, le seul poulet qu'ils mangeront, c'est des nuggets. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Happy Hour avec Audrey. Le son. Dance floor. Stade de France avec nos diables. Ah, mais enfin, j'irai pas parce que j'ai pas de place, mais. Oui, c'est ça. En fermant les yeux et en y pensant très fort, ça fonctionne. Ça, c'est Sac Noël qui arrive avec Trumpets. Mais d'abord, on va voir comment ça se passe sur les routes, hein, avec tous ce déluge, ça doit être un de ces bordels. L'infotrafic dans la Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Et si vous voulez essayer de repartir avec votre hoverboard, la planche à roulettes 2.0 qui coûte une blinde, restez là parce que je vous expliquerai comment faire juste après. Sur les routes, comment ça se passe? Catastrophe. Ah bah ça, je l'avais dit. pas trop vite avec ton hoverboard des machins, hein. 15 km/h. Ça va jusqu'à 15 km/h, hein. C'est énorme. Sorry. Oui, l'agent Jacobus est là, attention les excès de vitesse. Hein. Moi je surveille et je te colle une pline. Tu vas voir. Même pas pour rire. Oui, bon. J'en serais capable. Non mais sinon, il n'y a pas de quoi rigoler, c'est le catastrophe sur toutes les routes, je ne sais pas ce qui se passe. Ça commence sur le N98 à hauteur de Mété, en direction de dans les deux sens. Oui, oui, ça sent encore une lumière qui a écrit ça ici sur l'internet. Okay. Direction de dans deux les deux sens. Si ça se trouve, il y a un village qui s'appelle dans les deux sens. Ça, ouais, on ne sait pas. En Belgique, faut faire gaffe. Oui, on ne sait jamais. Tout est inondé, la chaussée fermée dans les deux sens. Oui, oui, oui. On a mis de petites déviations locales où si tu as un bateau c'est ou un maillot, tu te débrouilles. Un accident sur le N5, Bruxelles, direction de Charleroi, Philippeville, Couvain, Rocroi, c'est long ça, à hauteur de Yves Gomzé, en direction de Couvain. Le passage est très difficile. Un autre accident sur le ring US de Bruxelles, en direction de Bruxelles à Ittre, à hauteur de Braine-l'Alleud. Le chaussée est libre, mais quand même bloqué. Et alors, on me signale un zigueulet qui a son véhicule en panne sur le E13 en verse et qui donc, du coup, fait des embouteillages et que le banc de gauche est complètement bloqué à cause de lui. Ben, voilà. Bravo, hein. Et il y a Nomad qui nous dit au 30-40. Nomad il s'appelle comme ça. On dit à Fleurus, il a plu. Maintenant, un peu de fraîcheur. Ça fait pas de mal. Il paraît que c'est quand même à Namur, hein, que c'est le pire, là, avec les inondations. Courage à tous les Namurois. Dites-moi, vous, comment ça se passe de l'autre côté de la radio? Comment il fait chez vous? Est-ce que c'est le bordel aussi? Parce qu'on m'a envoyé une photo sur la page de l'émission à Piawar avec Audrey dans la région de Mons. Mais c'est le déluge total, sérieux. Tu peux laisser ta voiture tomber, tu peux prendre un bateau, hein, sérieusement. Hein. Oh, j'ai jamais vu un truc pareil. Je pense que Décathlon, du coup, ils vont. Décathlon, on perd le réseau. Voilà, c'est la pluie. Voilà. Bon, allez, dites-moi, vous, comment ça se passe de l'autre côté? Bon courage, en tout cas. 30-44, on attend vos petits messages. Restez bien là, juste après, on aura un overboard pour vous. Head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, funny body, me take up a permanent residence, rotate your body, come in, over, you're spinning it. Rotate your body, come in, love how you're spinning it. Rotate your body, come in, love how you're spinning it. Make the trumpets blow. Bubbly, serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot she a bubbly, bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. Honey look good girl you ever be winning it. Turn it up right girl you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pony body me take up a permanent residence. Trumpets blow. Vacances, de soleil. En gros, tout ce qu'on n'a pas là pour le moment en Belgique. Ça fait vraiment plaisir. Merci. On aura Pep & Rush aussi dans un instant, côté son dance floor sur Fun Radio. Et on me dit à hâte, il fait super beau. 31 degrés, je suis infirmière et sur la route. Donc gardez là votre pluie. C'est infirmière. Val qui dit ça. Oh. Tu sens la différence quand même entre les autres qui se tapent des grelons et 31 degrés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merci. Et pourtant, la Belgique, c'est pas si grand. Hein. Donc c'est bizarre qu'il y ait des écarts ça de météo là. Ici, avant la fin de l'émission, le parking va être inondé. Bah, non, attends, non. Regarde, il y a même Maxime qui nous dit à Tournai, c'est plein soleil. À Fleurus, pareil. Oh, on se fait arnaquer ici. Oh là là là. Grégory qui nous dit qu'à Hatte, plein soleil, il y a 30 degrés. À Tournai, 28 degrés, grand soleil. C'est Karim qui dit ça. Je pense quand même qu'on est en train de se faire arnaquer juste un tu tout petit peu. Ouais, parce qu'ici à Bruxelles, ça commence déjà à pleuvoir. Donc je suspecte quand même qu'on n'a pas les mêmes conditions météo comme tout le monde. Non, mais comme on dit, la roue tourne. Et ouais, les gars, ça va pas se passer comme ça. Bon courage en tout cas à tous ceux qui sont sous les orages, qui sont sous la pluie. On va parler cadeaux, ça va peut-être vous remonter le moral. On a un overboard à vous filer. L'overboard, c'est pour ceux qui ne voient pas ce que c'est comme une planche à roulettes, mais 2.0. C'est-à-dire que vous mettez vos petits pieds dessus, ça avance tout seul, ça va jusqu'à 15 km/h, c'est de la pure folie, c'est le rapide, truc à la mode, tout le monde le veut, l'overboard, et ça coûte quand même cher. Hein. Celui qu'on vous offre là aujourd'hui, il coûte 500 euros. Hein. Ah oui, ouais. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je me suis pris un de ces coups de vieux, je suis allée à la mer ce week-end, et je voulais que ma petite cousine elle fasse du cuistax. Elle m'a regardée, elle m'a jugée très fort, elle m'a dit bah non, je vais louer un overboard, pourquoi tu veux que je joue un cuistax? Et en fait, je te jure que oui, à la mer du Nord. Ils louent des overboards. Eh ben ouais, c'est plus les cuistax, c'est ça maintenant. Mais j'avais déjà ça vu ça à Paris, mais c'est pas les overboards, c'est les gyropodes où t'as un guidon. Ah ouais, c'est du Segway. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Le gyropode et Segway. Non, ben là c'est pareil, on vous offre en fait, c'est comme un Segway sauf qu'il n'y a pas le guidon, mais c'est encore plus génial, c'est à la mode quoi l'overboard. T'as déjà vu Fab ou pas? Ouais, ouais, j'en ai même fait moi et je suis pas tombé. Oh là et wow. C'est quoi? Parce que ma mère, elle m'a dit aussi, elle m'a dit mais c'est impossible à faire, tu dois pas tenir l'équilibre. Eh ben si, c'est pas ce qui. Non, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué du tout, et je trouve ça le fait grave, tu vois. À fond. Même ne fût-ce que pour aller de ta chambre à ton salon, mais c'est cool d'aller en overboard. Tu dois pas bouger, et ça c'est classe pour tous les grands paresseux comme moi. Si vous voulez essayer de repartir avec votre overboard qui coûte une petite blinde, il faut essayer de me dire c'est qui cet acteur qu'on entend dans ce son. Si vous avez une idée, vous envoyez fun par SMS au 6322 avec la bonne réponse. Raté, vous nous avez raté. Hey, le Romain, vous êtes des Romains. J'adore ce moment. Est-ce que vous avez une idée dans l'équipe, Fab? Ouais, ouais, mais toi, t'es un grand fan. Sandro? Bah, pas du tout. Oh non, dis quand même. Mais désolé, j'ai pas un grand répertoire d'acteurs ou de films. Excusez-moi, mais ça, c'est quand même la base. Si vous l'avez de l'autre côté de la radio, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Je vais tirer quelqu'un au sort juste après le son de Pep & Rush maintenant, qui débarque sur Fun Radio. Vous envoyez Fun, F-U-N, par SMS au 6322 avec l'acteur qu'on a entendu là. Il a joué dans Astérix Obélix. Partez vous éclater à deux avec transport et hébergement en Hongrie au Balaton Sound grâce à Fun Radio. Fun Radio. Sur scène, Dimitri Vegas et Like Mike, Robin Schulz, Oliver Heldens, Martin Garrix et plein d'autres. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio. Partagez le post du Balaton Sound et laissez un commentaire avec le nom de la personne Facebook qui ira faire la teuf avec vous en Hongrie en VIP. Oui. Le Balaton Sound, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Avec Destination Clubbing, le partenaire transport officiel du Balaton Sound. En tant qu'indépendant, vous cherchez toujours les prix les plus compétitifs. Mais vous ne transigez jamais sur la qualité. Oui, d'accord. Mais à prix plancher. Le prix ne fait pas tout. Et pour votre entreprise, vous êtes prêt à investir. C'est pourquoi Volkswagen a ce qu'il vous faut. Le Cadivan Startline a seulement 10 990 euros hors TVA. Non, non, non. C'est Volkswagen qui a ce qu'il vous faut. Le Cadivan Startup, avec Airco, radio, vitre et rétroélectrique, a seulement 11 990 euros hors TVA. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen utilitaire. Pour acheter le Cadivan Startup. Ah non, le Startline. Le Startup. Le Startline. Le Startup. Bon, cet été, en pleine Coupe d'Europe, vous ne serez pas là après le match pour remplacer le hamburger de votre fils par une délicieuse quiche au brocoli. Bah non. Sauf si... vous rentrez dans le snack le plus proche de l'endroit où votre fils regarde le match. Bonjour, un hamburger s'il vous plaît. Et vous prenez discrètement une photo du gérant. Avec ou sans cheese? Vous l'inscrivez sur un site de rencontre de femmes matures et disponibles. Disponible.be. Et vous attendez que les femmes matures et disponibles l'appellent au snack. Pendant qu'il répond aux femmes matures et disponibles... Allô, c'est Sylvia, je suis une femme mature et disponible. Oh, toi. Vous remplacez le hamburger par une délicieuse quiche au brocoli. Mais disponible dans quel sens Ouais. Vaut peut-être quand même mieux donner de bons produits frais Lidl à votre enfant, maintenant. Les produits frais de chez Lidl, pour tout ce qui compte. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là, ah, ben on voit encore Brian au fast-food. Avec Orange, là, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio.

Radio, ça c'est Koons, This Girl qui arrive côté son dance floor. Je sais pas, je sais même pas pourquoi je dis bon après-midi parce que ça n'a rien d'une bonne après-midi. C'est bonne nuit là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça y est, hein, y a les orages qui sont arrivés sur Bruxelles, hein, ça tonne. Moi, je sais pas vous, mais moi ça me fait flipper. Ah ouais, t'as peur de l'orage? Moi pas. Mais méchants, c'est drôle. Ils sont terrorisés. Ah ouais, ils se cachent en dessous de la table. Mais pourquoi t'as peur de l'orage? Mais je sais pas, j'ai toujours l'impression que ça va me tomber dessus un jour. Je vous jure que c'est une vraie histoire. J'étais dans la voiture avec ma mère et l'orage est tombé sur la voiture. Je te jure. On n'a rien eu, mais il y avait un petit trou. Normalement, non? Non, non, parce que je crois que c'est un truc avec les pneus qui fait que il y a quelque chose. Ouais, en fait, je pense que ça passe à travers la carrosserie parce que les pneus touchent le sol. Ouais. Quoi? Un truc du genre. Non, enfin, c'est un truc du genre. On est pas radio premier sur la physique. Non, mais du coup, la voiture était complètement, tu vois, morte, quoi. Le toit était tout cabossé. Mais nous, on n'avait rien. Ne mets pas des bruits d'orage. Tu crois pas que... eh, franchement, tu crois pas qu'on en a déjà assez? Tu vas pas me remettre, en fait, de l'orage à l'antenne? Mais c'est pas un bruit d'orage, il a ouvert la fenêtre. Non! Je vous jure, et ce que je fais, je sais pas si vous le faites aussi, vous, quand vous dormez, mais c'est, je regarde, tu sais, quand t'as l'éclair qui fait la lumière. Ouais. Puis tu comptes, 1, 2, 3, jusqu'au moment où t'entends le... Ouais. Et en fait, ça, c'est le nombre de kilomètres auquel l'éclair est près mais de toi. Mais c'est vrai, ça? Bah, mais tu dois faire fois 36 000, je pense. Bah non, jamais de la vie. Hein. Si, moi, j'avais eu un prof de maths, il m'avait dit ça. Donc bah, il t'a menti, hein. Ah ouais? Bah non, c'est pas comme ça. T'as c'est eu comme des cours ça, de maths, toi? Oui, déjà, t'as eu des cours de maths, toi? Non, hé, attendez, dites-moi, vous, de l'autre côté de la radio, 3044 pour vos messages. C'est quoi encore le calcul qu'il faut faire pour savoir à combien de mètres ou de kilomètres l'éclair est près de nous? J'attends vos petits messages parce que côté maths, sérieux, on n'est pas très au point dans l'équipe. Donc allez-y, 3044 pour vos messages. Pendant ce temps-là, on va accueillir Alessandra qui vient de Châtelet. Salut Alessandra! Bonjour, bonjour! Ça va? Tu es en direct de tes toilettes ou quoi? Non, j'ai pas beaucoup de raisons de la suite. Ah, tu m'étonnes avec ce temps. Et est-ce qu'à Châtelet, il fait mauvais aussi, Alessandra? Ah ben, c'est bien tombé, oui, c'est bien tombé. Ah, tu m'étonnes. Mais ici, maintenant, il n'y a plus rien. Oh, bah t'as de la chance, Alessandra. Ouais, c'est ça, tu nous as tout renvoyé, quoi. Bah bravo, c'est gentil. Ah, désolé, mais il n'y a pas de soleil, hein. Ah bah non, bah, tu veux pas tout non plus aussi, hein. Non, mais oh. Alessandra, tu vas peut-être repartir avec ton overboard. Un cadeau qui coûte quand même près de 500 euros. On est à la recherche d'un acteur depuis tout à l'heure. T'as envoyé ton petit message au 6322, c'était quoi ta réponse? Christian Clavier. Christian Clavier, on réécoute. Raté, vous nous avez raté. Hé, les Romains, vous êtes des Romains. Ça m'a raté, c'est raté, toi aussi t'as raté. Non, Alessandra, mais c'est pas Christian Clavier, je suis désolée ma belle, mais là c'est pas la bonne réponse, je peux pas te le filer. Tu retentes ta chance, Alessandra? Ok, merci. Je te fais des gros bisous en tout cas. Ce n'est pas Christian Clavier, et d'ailleurs, est-ce qu'il a joué avec lui ces 4 matins? Je crois pas, hein, dans aucun film. Non, mais donne des indices parce que j'ai toujours pas trouvé. Alors, perso. Il a joué dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et il a fait un pari qu'il fallait pas faire quand il était petit, et du coup, il lui manque quelque chose. Il peut pas applaudir. Il peut pas applaudir. Ah oui, oui. Ça y est, c'est bon, ça j'ai tilt. Bon, si vous avez la bonne réponse, du coup, allez-y. Vous envoyez FUN, F-U-N, par SMS au 6322 avec l'acteur qu'on recherche, et si vous avez la bonne réponse, à vous, l'overboard qui coûte quand même 500 euros. Je tire quelqu'un au sort après les infos. Fun Radio. Fun. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Bon, et cela dit, heureusement quand même qu'on a des auditeurs qui sont vachement plus malins que nous en mathématiques. Ça y est, je tiens le bon calcul. Vas-y. On va. Non, bah j'expliquerai ça après les infos. Place d'abord à Carlo Morello, il y a des priorités. Bonjour Carlo. Oui. Hello Audrey, salut à tous. Bon, on va parler de nouvelles intempéries, hein, pour commencer, des intempéries qui ont eu lieu hier déjà et puis cet après-midi chez nous aussi, pas exactement partout, à Bruxelles en tout cas ce dimanche, j'ai eu la chance de profiter du soleil sur une petite terrasse pendant que de nombreux Belges devaient affronter de grosses pluies et des orages, intempéries qui ont fait pas mal de dégâts aussi bien en Flandre qu'en Wallonie. Les éléments se sont donc encore une nouvelle fois déchaînés cet après-midi dans le sud du pays, la région de Dizon, de Verviers, de Pépinster ainsi que celle de Ciney et de Durbuy ont été particulièrement touchés par les violents orages et par des grêlons, parfois de la taille d'une balle de ping-pong. Et puis, à propos de l'accident qui a fait 3 morts et 9 blessés hier en fin de soirée à Saint-Georges-sur-Meuse, quand un train de voyageurs a percuté un train de marchandises à l'arrêt, eh bien il est peut-être à mettre aussi en rapport avec ces intempéries. Le porte-parole d'Infrabel a en tout cas fait savoir qu'un incident lié à la foudre avait eu lieu un petit peu plus tôt sur cette ligne. Il est question d'un dérangement de la signalisation. C'est peut-être seulement une coïncidence, mais pour les enquêteurs chargés d'expliquer cette collision, c'est en tout cas une piste à explorer. À parler d'inondations, il en a aussi été beaucoup question en France ces derniers jours. Des crues qui ont affecté des centaines de communes, des milliers d'entreprises et de commerces, faisant 4 morts, 24 blessés et provoquant des dégâts dont le coût pourrait dépasser le milliard d'euros. La situation s'améliore en début de semaine et les nouvelles pluies attendues ces prochains jours ne devraient pas poser trop de problèmes. N'empêche, c'est pas la météo qui a allégé l'atmosphère très lourde qui plombe l'ambiance chez nos voisins. Le mouvement de grogne sociale lié à la réforme du travail dure depuis 3 mois maintenant, avec des cheminots toujours en grève, alors que l'Euro 2016 au football débute vendredi. Les pilotes d'Air France envisagent de se croiser les bras entre le 11 et le 14 juin, jour où une grande manif est prévue à Paris. Pour que nos voisins retrouvent le sourire, il faudrait que les Bleus remportent l'Euro, hein, et encore, en espérant qu'aucun attentat ne soit commis en France dans les semaines qui viennent. Sans quoi il serait de mauvais goût de continuer à parler de sport. Des grèves chez nos voisins donc, et puis chez nous aussi toujours, hein, ça commence à s'arranger du côté des techs wallons, même si le blocage persiste totalement à Charleroi. Et puis dans les prisons, bah là c'est toujours pareil, hein, même que ça risque d'être problématique pour un certain nombre de détenus, maintenant que le ramadan a commencé, hein, je vous en parlais à 17h, comme l'explique le directeur de la prison de Lantin. D'habitude on distribue le soir les repas pour les personnes qui font le ramadan, mais là en raison de l'organisation adoptée suite à la grève des gardiens, bah les 3 repas sont distribués en même temps à midi. Voilà qui risque de compliquer un peu plus encore la situation dans les prisons. Fun Radio. Maintenant dans les stations Q8 avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Q8. Hey, je sais pas si vous étiez du genre à faire ça aussi de l'autre côté de la radio, mais quand il y a de l'orage, comme ça généralement on regarde la lumière, on compte le nombre de secondes, on fait un calcul spécial qui fait qu'on sait à combien de kilomètres plus ou moins l'orage est, et on a Nico qui connaît le calcul exact. Comment il faut faire? On va, il va nous expliquer tout ça après la météo, hein, Carlo. Ouais, alors. Il sera encore question d'orage demain, hein, avec un programme un petit peu comme celui d'aujourd'hui et d'hier, donc espérons que ça se passe pas trop mal, en tout cas au niveau des inondations. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse en compagnie d'Audrey. Et du son de je ne sais plus. Kungs. Voilà, Kungs. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Fun. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro. Celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Will you leave our world now, more that I've been? Ça fait plaisir d'être en Belgique. Ah là là, quel beau pays! Avec son soleil, sa mer bleu turquoise, c'est ça qui est beau. Un peu comme à Ibiza, Mike Posner, I took a pill in Ibiza, c'est ce qui arrive. Il y a aussi le son de Lou Midi juste avant, et on a Amaury, grand spécialiste des mathématiques, qui va nous expliquer comment faire pour. Vous vous souvenez, on s'est rappelé d'un truc qu'on faisait quand on était petit, c'est essayer de calculer le nombre de kilomètres qui nous séparaient de l'orage. C'est-à-dire que dès que t'avais la lumière, tu comptais le nombre de secondes, et je sais plus trop comment il fallait faire, mais à un moment donné, tu pouvais plus ou moins dire à quelle distance il se trouvait. Bonjour Amaury, comment ça va? Salut Audrey. Ça va bien? Salut. Bah écoute, ouais, ça va, on préférerait qu'il fasse meilleur, mais bon voilà, on s'adapte. Amaury, toi tu viens de Visé. Il fait mauvais à Visé? Ouais, c'est exact. Il fait mauvais là-bas aussi ou pas? Ça va, ça, il pleut pas, mais ça va encore. Bah c'est pas possible, hein, sérieusement. On s'est fait arnaquer, hein, je te jure. Hein. Y a que les Namurois, que les Montois et que les Bruxellois. À Charleroi aussi, ça va. Ah non, ici on a la chance. Bah non, regarde tout à l'heure. Bah ouais, arrête de faire le malin, Amaury, tu vas nous énerver. Regarde l'auditeur tout à l'heure à Fleurus. Il a dit qu'il faisait beau. Non, mais à Charleroi. Mais Fleurus, c'est à 10 km. Eh ben, 10 km, c'est pareil. C'est les alentours, c'est le. La c'est le périmètre. Ça c'est ça, c'est le périmètre. Bon, Amaury, comment on fait encore le calcul pour savoir à combien de mètres il y a l'orage? Ben, en fait, je me souviens bien, c'est 350 mètres par seconde. Donc, en fait, vous prenez le temps de, enfin, le temps de seconde que vous avez vu l'éclair. Ouais. Vous faites fois 350 et vous aurez la distance. Fois 350, c'est ça? Ouais, parce que long, c'est 350 mètres par seconde. Ah. Mais Sandro, il dit c'est 360. Non, non, c'est x 36 000, moi j'avais. Oh non, mais faut pas le bordel. Mais si, parce que je pense que l'orage ne tape pas si proche que ça en fait. Bah si, à chaque et fois. Parfois ça peut te taper dessus. Hein. Ah ouais, comme bon. Ça bim sur la tête, et au revoir. Eh, rigole pas, t'as non. pas vu le truc en France? Moi j'ai vu des statistiques par contre. T'as plus de chances dans ta vie de te faire taper deux fois par l'éclair que de gagner au loto. Ah ouais. Et il y a un auditeur qui nous dit salut les baudets, mort de rire, ça arrive sur tournée aussi. Les baudets. Déjà, on n'est pas des baudets. C'est quoi des baudets? Quoi? Comme des boudins, mais au pluriel. Oh, attendez, on arrête ça tout de suite. Deux secondes. Excuse-moi, Amaury, mais tu ne sais pas ce que c'est un baudet? Bah non, je ne sais pas ce que c'est un baudet. Vous ne savez pas ce que c'est un baudet? Un bidet, je sais, non, mais pas un baudet. S'il vous plaît. Attends, Amaury, tu sais ce que c'est un baudet? Non. Oh non, c'est pas possible. Ah, tu vois, on est pas seul au fond. Non, les gars. Bah voilà, exactement. Ah, un âne. Ah non, quoi que je suis pas sûre du coup. Mais si, c'est ça, hein. C'est un baudet. Un âne, c'est un baudet? Bah, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et mon voilà, dieu. On est quand même la seule émission où à tout moment ça peut partir en cacahuète. On parle des calculs d'éclairs et là on est en train de faire une leçon de d'animalerie dans l'émission. Mais le baudet, c'est un âne. Un âne, ok, d'accord. Oh là là, s'il vous plaît, Amaury, merci pour l'info du calcul. Du coup, on va faire ça. Comme plaisir. Ça, on va voir à combien de kilomètres il y a l'orage ici à Forêt. Gros bisous, Amaury. Ok, génial. Bisous à vous. Passez une bonne soirée. Hein. Bisous, bisous. Et il y a un auditeur qui dit quel âne celui-là. Et tu sais quoi? On va l'appeler Baudet maintenant. Qui ça? Vas-y, le nouveau surnom de Sandro. Ah mais non. En plus, ouais, j'ai toujours super. Dit que Sandro, il avait un petit côté l'âne de Shrek. Vous vous souvenez pas? Je vous emmerde. Non, moi aussi, on t'aime. Si, si, je vous jure. C'est à cause de la queue, ça, non? Fab. Moi, j'ai pas été vérifié perso, mais si tu le dis, c'est Fab. C'est la légende. On te croit sur parole. Bon, on va faire le son de Lou Midi, là, maintenant, sur Fun Radio. Il y aura Mike Posner aussi, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance des vacances. I took a pill in Ibiza. Et puis, si vous voulez essayer de repartir avec votre hoverboard, restez bien là. On va tirer quelqu'un au sort juste après. On rappelle l'acteur qu'on est en train de chercher dans l'émission, c'est celui-là. Raté, vous nous avez raté. Hey, les Romains, vous êtes des Romaines. Ouais, les Romains, vous êtes que des Romaines. Si vous avez une idée de la bonne réponse, allez-y. Vous envoyez Fun, FUN, par SMS au 6322 avec l'acteur qu'on cherche. Bonne chance, tout le monde. Come on and dance. Hands up, hands up.

And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know. Sad songs. Sad songs. Darling, all I know are sad songs. Sad songs. Sur Fun Radio, on est avec vous jusqu'à 20h. C'est comme ça, du lundi au vendredi. C'est le son de Willy William que je vous ai calé pour la suite avec Quand est-ce qu'on s'endort. Il y aura Jonas Blue aussi. Ça, c'est une nouveauté Fun Radio. Et alors, on a un overboard à vous filer aujourd'hui dans l'émission et on galère un petit peu. C'est-à-dire qu'on essaye de deviner quel est l'acteur qu'on recherche aujourd'hui dans l'émission. J'avais l'impression qu'on avait choisi un truc facile, mais visiblement, pas si facile que ça. Non, non, parce que moi-même, j'ai même pas trouvé. Tu vois. Vous galère un petit peu. Pourtant, c'est un acteur super connu. Il est humoriste aussi. À la base, ouais, il est pas vraiment acteur. Enfin, si, il est devenu acteur, mais d'abord il était humoriste. Ouais, c'est ça, il fait un peu les deux. Je vous donne un indice en plus. Réécoutez bien, concentrez-vous. Si vous êtes sur la route, mettez-vous sur le côté. Raté, vous nous avez raté. Hé, les Romains, vous êtes des Romains. Bah, allez, quoi, sérieux. Allez, il a joué dans H. Ouais, il a joué dans H. Amélie Poulain. Ouais, il a sorti aussi son dessin animé récemment, je pense l'année dernière. Ah oui, avec le singe là. Voilà. Ah bah oui, bah franchement. Juste. Bon, c'est peut-être pas le truc le plus connu de lui. Hein. Sandro, il vous donne pas des indices très très faciles, mais bon voilà. On a Joyce qui est là, qui va tenter sa chance. Elle vient de Grimbergen. Salut Joyce, ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Oh, quelle jolie voix. Bonsoir. Merci. Waouh, Joyce, est-ce que tu es célibataire ? Non. Oh non, bah non, bah ça va pas ça. Oh Joyce. Hey, Joyce, on se mettait dans une ambiance là, t'étais en train de faire rêver tous les auditeurs qui sont à l'écoute de l'émission et puis paf, t'as tout cassé, bravo. Ça fait combien de temps que t'es en couple, Joyce ? Ça fait 3 mois. Oh bah ça va. Oh, ça va, c'est bientôt la fin là. C'est pas cool. Hey, il est mignon, il est bien ? Ouais, il est bien. Ouais ? Bon, regarde-le alors. Garde-le bien parce qu'ils sont rares. Hein, c'est un bien convaincu, ah oui, j'ai l'impression. Ouais, mais. Écoute, Fab, ouais, c'est pas toi qui va parler d'amour. Parce qu'à un moment donné. Bon, Joyce, oui. Tu as envoyé un petit message au 6322. On est à la recherche d'un acteur. Tu as envoyé quoi ? Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, le monsieur avec son gros nez qui boit tout le temps plein de vodka ? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, on réécoute pour voir si c'est Gérard Depardieu. Vous avez raté ! Hé, les Romains, vous êtes des Romains ! Ce n'est pas Gérard Depardieu. Oh. Désolée, Joyce. C'est pas grave. Non ! Comment tu as pu le convaincre ? Enfin, comment ? C'est pas possible, quoi. Bah, il joue dans Astérix. Bah oui, mais oui. Non, mais c'est pas ça. Sinon, j'ai un autre indice. Ouais. En ce moment, il fait son Marrakech du Rire. Ah oui, c'est vrai, c'est lui festival. Qui fait ça, c'est vrai. Bon, bah, Joyce, tu retentes ta chance. Je te fais des gros bisous. À vous de jouer. Du coup, on relance le jeu. Vous envoyez FUN, F-U-N, par SMS au 6322 avec l'acteur qu'on cherche. On nous a dit tout à l'heure Christian Clavier. Ce n'est pas lui et ce n'est pas non plus Gérard Depardieu. Il lui manque une main. Il est humoriste. Il fait le Marrakech du Rire. Je peux pas donner plus d'indices. Ça commence par J. Voilà. Et non pas D. Donc, si vous avez l'idée, vous envoyez FUN par SMS maintenant au 6322 avec la bonne réponse. C'est à vous de jouer. On fera un tirage au sort avant 19h. Ça, c'est promis. Côté son Floor, il y aura Jonas Blue, mais avant ça, on se fait le son de Willy William. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. Pas bien. On ne dit pas. Allez. Si, pas et bien, on ne fait pas 2 secondes de blanc, on ne dit pas 2 fois le même son, on tient 30 secondes, on repart avec une montre connectée. Avec moi, ils sont toujours perdus. Allô, Héloïse ? Oui. Bon, vous avez fait quoi de votre journée ? On a bu, boire un coup. Boire, vous a, on non. A bu, non, on non, a non, boire. Non, c'est bon, ça passe. Ça passe ? Bon, bah, elle a gagné. Oh, arrêtez les conneries ! Non, mais là, je suis pas content. Rencard ce soir, à 23h, pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space. Avec Mike, le soir sur Fun Radio. Hey, tu savais que chez Krefel, ils vérifient tous les prix, tous les jours. Et s'il y en a un hors jeu, carton rouge, Krefel. Les meilleurs prix, service compris.

Chuck Norris, à côté d'eux, c'est un enfant de cœur. Superman, oh, totalement has-been. Rambo, un scout perdu dans la forêt. C'était pas ma guerre. Vous avez besoin de vrais professionnels en cas de problème? Un seul numéro, celui de l'Happy Hour. Avec Audrey, 17h-20h sur Fun Radio. Ah bah oui, un seul numéro, c'est celui de l'émission. Ou alors vous venez sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Si vous avez un problème, peu importe lequel, nous on essaye de le résoudre dans cette émission. On a Cédric qui va vous proposer du boulot. Si vous êtes à l'écoute de l'émission, Cédric qui vient de Boussu-les-Walcourt. Pourquoi tu mets une musique de cow-boy? Parce qu'il vient de Boussu-les-Walcourt. C'est ça. Et c'est quoi le rapport? Je cherchais une échappatoire. Une échappatoire. Une échappatoire. Une échappatoire. Dis, t'es en train de manger pendant que tu fais l'émission, toi? Non, du tout. Si, ouvre et ta bouche. Partage. Ouvre. Ah. Si. Tu manges. Si, tu l'as mis de l'autre côté de ta joue. Ah. Arrête de manger, sérieux. Mange. On dirait l'institutrice en classe. Non, mais. Mais je vois la chic là. C'est même pas comestible. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le plastique de la bouteille. Et pas normal, ce mec, sérieusement. T'arrêtes pas de me dire que tu veux faire régime et t'arrêtes pas de bouffer. Attends, le plastique, ça fait pas grossir. Eh ben, peut-être bien que si. Hein. T'as vu le nombre de calories sur la bouteille? C'est de l'eau. Eh ben, quand même. Bon, Cédric. Le truc a rien à voir que. Ouais, mais c'est pas grave. Cédric, excuse-nous, hein, parce qu'à la base, lui, il est là pour proposer du taf et on fout encore le bordel. Ça va, Cédric? Oui, bonjour. Oh, waouh, quelle grosse voix, dit. Oh! Ah, impressionnant. Ça y est, on a perdu Audrey. Ah non, mais moi okay. Je trouve ça méga canon. Hein. Waouh, ça va Cédric? Ça va bien, ça va bien. Cédric. Calme-toi, respire. Tu viens de Boussu, les Walcourt, oh, les lacs de l'odeur. J'y suis allée ce week-end, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Avec Patapouf. Classe, avec mon chien et tout, ouais, c'est trop bien. Bon, Cédric, si t'es là, c'est parce que t'as du taf à proposer à nos auditeurs. Vas-y, on t'écoute. Alors, nous cherchons un opérateur de téléski et un moniteur de wakeboard, c'est le même poste, pour bosser au téléski nautique du Spin Cable Park. Et donc, le Spin Cable Park, c'est un genre de grand tirefesse posé sur un lac. Oh, on apprend aux gens à faire du wakeboard et du ski nautique. Oh, cool ça! Ouais, trop bien, j'aimerais bien t'y voir. Hein. Bah, moi, j'ai essayé une fois dans ma life de faire du ski nautique, j'ai jamais sorti mes fesses de l'eau. Ah, ouais. C'était énorme, mais même le départ, il n'y avait pas. Donc, le bateau non plus d'ailleurs. Moi j'ai essayé avec la planche, sauf que en fait, comme un du con. Du wakeboard. Ouais, c'est ça, et avec le bateau. Le truc, c'est que je suis resté accroché. Ouais. Et j'ai jamais. Bah, enfin, c'est ça qui est difficile. T'es d'accord, tu confirmes, Cédric, sortir ses fesses de l'eau, c'est pas facile. Non, c'est pas toujours facile et c'est pour ça qu'on a besoin de moniteurs pour aider les gens. Et mais du coup, il faut de vrais professionnels qui ont de l'expérience dans le domaine. On est d'accord, Cédric? Alors, ben, il n'y a pas beaucoup d'expérience dans le domaine puisque c'est un des rares téléskis en Belgique. Ouais. Donc, c'est difficile de trouver des gens avec de l'expérience. Nous, on les forme en interne. On cherche des gens qui sont un petit motivé. Peu capables de bricoler et de travailler avec une machine, puisque le téléski, il faut le piloter. Ouais. Et puis, tant que possible, quelqu'un qui a déjà pratiqué des sports de glisse, puisqu'il faut expliquer aux gens comment ça se passe. Bah, et comment il faut se positionner, quoi. En l'ayant vécu, c'est beaucoup plus facile à transmettre que si quelqu'un arrive et n'en a jamais pratiqué, et quelqu'un collabore qu'on lui apprenne à glisser. C'est cool, ça, comme job. Et c'est pour bosser de quand à quand exactement, Cédric? Oh ben, nous on a du boulot à partir de maintenant tout de suite jusqu'à à peu près le 30 septembre. Ah ouais, c'est cool. Bon ça. Allez, ben, génial, si vous voulez aller bosser là-bas à Boussu-les-Walcourt, si ça vous dit de tenter l'expérience, ils sont prêts à vous former là-bas sur place, donc c'est génial. Si vous recherchez, je sais pas moi, un job étudiant ou quelque chose à faire pendant l'été, allez-y, vous envoyez maintenant job par SMS au 3044. On va sur le son de Matène dans un instant. Et puis là, c'est Raïs Sreffi qui arrive sur Fun Radio avec Bande Bande, et juste après on vous prend à l'antenne si vous intéresse. Job par SMS au 3044. This is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. It's each other, dun, dun, dun. King of the rich, I just speak on. Hide the man on me. bi se sam para si da kiš Vom drugu će mamu kore priše priš Ja man si, ja ma ane Se kurv topni her, ja ma no can day New music Nouveau tube fan radio Fun Matin Café Del Mar, tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Continue sur Fun Radio avec Faze featuring Afrojack. C'est Hey sur Fun qui arrive dans quelques petites minutes. On va se faire aussi le son de Dero avec Bailar. Ce son là, je vous jure, je le kiffe de ouf. Je l'ai écouté en boucle. Bailar, Bailar, tout tout tout tout tout tout. Enfin, c'est un truc dans le genre, quoi. Ça on arrivera. Passe ça, nous. Mais ouais, avec. Pas, mais pas comme toi, tu le ça fait. Mais si, baisse. Mais un peu un extrait de Dero là. Ce son, c'est une tuerie. C'est devenu mon coup de cœur, quoi. Laisse tomber, ça va être le son de l'été, ça c'est sûr et certain. Oh, et dès que ça passe, t'as envie de prendre un cocktail, regarde ça. Oh ouais. Oui, oui, d'accord. Celui-là, je connais. Oh là là, ça tue. Ça arrive dans quelques petites minutes sur Fun Radio. Avant ça, on va appeler maintenant chez quelqu'un qui a envoyé Fun par SMS au 6322 pour essayer de choper son overboard. L'overboard, comment dire, c'est le truc que tout le monde veut pour le moment, c'est le truc à la mode. C'est, pour ceux qui ne voient pas, c'est une espèce de. Il y a deux roues, alors tu glisses sur le sol. Et ça glisse. Et n'empêche, ça peut aller jusqu'à 15 km/h. Ah oui, quand même. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi ton petit nom? Julie, tu viens d'où, t'as quel âge? Alors, je viens de Bruxelles et j'ai 24. Alors, j'adore comment elle parle. Mais bah ouais, parce que moi, je t'ai pas arrivé. Alors, parle à ma main, vas-y. Julie, tu viendrais pas un peu de France aussi? Je sais pas faire l'accent, moi, c'est naze. Non, ouais, c'est gentil. Bon, Julie, on est à la recherche d'un acteur depuis tout à l'heure. Je te fais réécouter le son, tu me donnes la réponse juste après. Bonne chance. Raté, vous nous avez raté. Hé, les Romains, vous êtes des Romaines. Alors, c'est qui ça, Julie? Alors, je pense que c'est Jamel Debbouze. Tu penses que c'est Jamel Debbouze? Ouais. On a dit qu'il lui manquait une main. Non, bah, il l'a, mais elle est dans sa poche. Ah, c'est ça. À côté de son portefeuille, tu vois. Voilà. Ah bah, Julie, c'est gagné. Ouais. Félicitations, Julie. Tu repars avec le tout premier overboard de l'émission. Voilà, 500€, comme ça, facile, easy game. Ah, merci, Fun Radio, merci d'avoir. Eh bah, de rien. Et gros bisous, ma Julie, tu reviens quand tu veux.

Votre journée au bureau s'est mal passée? Problème de photocopieuse? De machine à café en panne? Un patron qui ne vous lâche pas? Pas de soucis. Audrey et son équipe sont là tous les jours pour vous remonter le moral de 17h à 20h dans la Happy Hour sur Fun Radio. Your face telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone, you do your thing and you live like you won't. I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey. Hey, would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I say, radio avec Baila. Ça arrive dans quelques petites minutes sur Fun Radio. Mais avant ça, on vous a proposé du taf là dans l'émission au lac de l'odeur. Il y a une espèce de... Comment on appelle ça encore? Un ski cable. Non, je sais pas comment. Un cable park. Un cable park, voilà, non, c'est ça. Non, cable, pas cable. Un cable park. C'est en fait, en gros, vous faites du ski nautique, mais sur des skis. Ouais, mais avec un rail. En fait, tout un circuit dans le lac, et alors t'es tiré par le rail là, et tu fais tout le tour. Eh, c'est bien. Heureusement que Fab il est venu à ma rescousse. Vous avez senti comment je galérais pour essayer d'expliquer ce que le c'était. Le pire, c'est que je suis le moins sportif de l'émission. Bah, et moi, je l'ai fait trois fois le truc. Et t'as réussi? Non, il a regardé trois fois en fait. Bon, ouais, c'est ça. Trois fois, c'était des anniversaires où j'étais invité, et donc du coup, j'ai essayé, j'ai fait l'initiation. Après, j'ai terminé au barbecue avec l'alcool et le concert de reggae. C'était vachement. vraiment bien. Mais c'est cool aussi comme programme. Du coup, ils sont à la recherche là-bas au Cable Park des Lacs de l'Odeur d'un saisonnier. Donc pour aller bosser chez eux, il faut être motivé, toucher un peu à tout, être intéressé par les sports de glisse aussi. Si ça vous intéresse, allez-y. Vous envoyez Job par SMS au 3044. C'est ce qu'il a fait ou c'est ce qu'elle a fait. Parce que du coup, Emmanuel, ça peut être pour les deux. Bonjour. Surprise. Emmanuel. Alors, une fille ou garçon? Bonjour. Ah, ça pourrait être toujours une fille ou un garçon. Ça pourrait toujours être les deux. Attends, on va faire un qui est-ce avec elle. Est-ce que tu as des pamplemousses, Emmanuel? Ça dépend où. Non, tu n'as pas de pamplemousse, donc tu es un garçon. Pas forcément. Non. Non, tu es une femme. Alors oui, j'ai des pamplemousses. Attends, oui, tu as des pamplemousses. Ah oui, c'est ça, elle sait pas en fait. Donc d'accord, donc tu es une femme, Emmanuel. Alors, est-ce que tu as des pastèques? Bon, Emmanuel, t'es une fille, on est d'accord? Bien sûr. Ah, t'as pas l'air sûr toi-même, hein, mais c'est pas grave. Emmanuel. Parce que ma voix est un peu grosse, c'est la tête du boulot. Ah, voilà. D'accord. Bon, Emmanuel, tu viens de Bruxelles, t'as entendu l'offre du côté du Cable Park, là, au Lac de l'Odeur, ça t'intéresserait? Oui, ça m'intéresserait, mais surtout pour des amis à moi qui ont du mal à trouver du boulot. Et donc moi, j'ai déjà un boulot, je suis déjà éducatrice, mais donc voilà, j'ai quelques connaissances qui seraient très intéressées par l'offre. Bah écoute, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas pas raccrocher et on va reprendre tes coordonnées et comme ça on va les envoyer à Cédric. Comme ça il va pouvoir les rappeler. D'accord? D'accord. On fait comme ça, Emmanuel. Je te fais des gros bisous en tout cas. Et rassurez-vous pour tous ceux qui ont envoyé Job par SMS au 3044. On va filer aussi vos coordonnées. Hein. Et surtout, merci à Emmanuel pour cette grande partie de Kies. Ça m'a rappelé des souvenirs quand même. Merci, Emmanuel. Non, mais c'est horrible parce que même avec sa voix, parce que t'as des gens comme ça qui ont une voix neutre, une mixte, quoi. Tu ne sais pas dire, ouais. Tu peux pas dire si c'est une fille ou un garçon. Moi, on m'a dit il n'y a pas longtemps au revoir, madame. Vous savez quoi? Quoi? Oh, c'est vrai, on t'a dit ça? Ouais, on m'a dit ça. Je crois que tu nous mens un peu quand non, même. Hein. Non, je sais plus. Alors, j'ai appelé, je sais plus où, c'était. Mais Fab, t'as une voix virile comme ça. Non, on m'a dit au revoir, madame, j'étais même choqué. Alors, un reste chinois pour réserver. Mais non. J'ai dit bonjour, j'aurais. Mais ça, c'est l'exception. J'ai dit bon, bah, j'ai rien dit, ok, je voudrais une table pour trois personnes demain soir. Ok, pas de problème, à demain, madame, bonne soirée. J'étais. Okay, bah quoi d'accord. Que pour certaines choses, tu peux ressembler à une femme. Oui. Alors là, je te déteste. Mais non, mon petit Fab. Mais je peux te prêter des soutifs à moi si tu veux. Votre petit. Non, mais quoi que le Sandro, il se démerde bien aussi, hein, dans le même dans genre. Quoi bah dans les pamplemousses. Ah oui, là, ça commence pousse. À pousser. Là, c'est début d'adolescence. Non, tu vois. Hey, les gars, sérieusement, il faut qu'on s'y remette là. Il faut qu'on fasse du sport. Moi aussi, je vais bientôt rouler. Hein. Week-end. Bon, oui, Basic Fit. Bah, tu pas. Ah si. Mais bah, ça fait un an que je suis inscrit. Un an. Et t'as été combien de fois? Et ils m'ont jamais vu, les gars. Mais ça, c'est ouf. Mais sérieux, on est une bande de bras cassés, on n'y arrivera jamais. Hein. Et le pire dans Basic Fit, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait mon abonnement maintenant, mais j'ai 2 mois gratuits. Ouais. Donc du coup, tu culpabilises pas si tu y vas pas. Bah oui, mais parce c'est que ça. Tu payes pas. Mais ça va pas, sérieusement. Franchement, vous savez quoi? Avant l'été, on roule. On va même plus marcher. On va rouler. C'est scandaleux, sérieusement. Bon, c'est parti. Il fait pas beau, il y a de l'orage, il y a de la pluie, c'est le bordel, il y a des embouts, c'est une catastrophe en Belgique. Du coup, on va essayer de se mettre un peu dans l'ambiance là avec le son de Diero Bailar qui arrive sur Fun Radio. Qu'est-ce que c'est bon, écoutez-moi ça. Imaginez-vous sur la plage avec votre petit cocktail, des jolies demoiselles qui passent devant vous, des hommes avec des plaquettes de chocolat. Ah, je vous laisse imaginer tout ça. C'est bon ça. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Si yo soy vegana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no voy a dar. franchement, on n'est pas bien là sur Fun Radio avec le son de Zero. J'espère que ça s'est calmé hein, de l'autre côté de la radio, là, qu'il n'y a plus de pluie. Dites-moi comment ça se passe de votre côté. 3044 pour vos messages. J'ai lu après les infos. Fun Radio. Fun. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparixl.be. Je vous ai calé un petit Calvin Harris featuring Rihanna pour la suite du son. Il y aura aussi le beau Drake côté son dance floor. Tout ça, ça arrive juste après les infos avec Carlo. Salut Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Une nouvelle semaine vient de commencer au cours de laquelle il sera encore pas mal question de grève, même si ça commence à s'arranger dans les técoilons et si les cheminots ont repris le turbin. Mais la grogne se poursuit dans les prisons. On doit en être à la sixième semaine, si je me trompe pas. Et puis la CGSP a lancé un appel à la grève dans les écoles de Mons-Borinage. Ça veut dire que tous les établissements de l'enseignement officiel sont susceptibles d'être en grève demain et mercredi. Mais les examens de 6e secondaire seront bel et bien organisés. Pas question évidemment de pénaliser les élèves et de leur créer des soucis pour leur inscription dans le supérieur. Cela dit, la grogne sociale peut s'exprimer de différentes manières aussi, via les grèves qui peuvent parfois être du zèle, les manifestations bien sûr, mais nous avons également les opérations escargots, ou encore les blocages de routes. Plusieurs chauffeurs poids lourds avaient prévu de mener de telles actions aujourd'hui à différents postes frontières du pays pour dire une nouvelle fois tout le mal qu'ils pensent de la taxe kilométrique, mais finalement, ces blocages ont gardé un aspect plutôt anecdotique, hein. Comprenez qu'il y en a eu peu et qu'ils n'ont pas duré longtemps. Cette grogne sociale fait toujours la une de l'actu en France, où la loi El Khomri sur la réforme du travail suscite une énorme opposition, même qu'à quelques jours de l'ouverture de l'Euro 2016 de football, les grèves, qui concernent notamment les chemins de fer, ont tendance à énerver et inquiéter les autorités. Mais il y a un risque nettement plus sérieux qui pèse sur cette compétition. Je parlais d'attentats possibles. Eh ben, les terroristes, eux, ne font pas grève, hein, mais si le pire est évité, ce sera peut-être grâce à l'Ukraine, dont le patron des services de sécurité a annoncé l'arrestation fin mai d'un Français à la frontière avec la Pologne. Un homme qui voulait se procurer des armes et des explosifs, histoire de gâcher la grande fête du foot. Ce sont, paraît-il, pas moins de 15 attentats terroristes qui auraient été déjoués. L'homme aurait eu l'intention de s'en prendre à des lieux de culte juifs et musulmans, ainsi qu'à des bâtiments publics. Alors, je ne sais pas si le pire est à craindre lors de l'Euro de football, mais en ce qui concerne Roland Garros, là, tout s'est bien passé, hein, si ce n'est que la météo a parfois été capricieuse. Mais bon, ça c'est vrai quasiment chaque année. Hein. Bref, on a souvent tendance à considérer Roger Federer comme le plus grand joueur de tous les temps, vu son fabuleux palmarès. Mais au rythme qui est le sien depuis 3 ou 4 ans, Novak Djokovic ne devrait plus trop tarder à lui contester ce titre de gloire. Hier, le numéro 1 mondial a remporté les internationaux de France aux dépens d'Andy Murray, le seul titre du Grand Chelem qui manquait à son palmarès. Le Grand Chelem qu'il vient de réussir d'ailleurs, mais sur 2 années, hein, Djoko a remporté coup sur coup Wimbledon et l'US Open 2015, plus l'Open d'Australie et Roland-Garros 2016. Pour les puristes, c'est pas vraiment le Grand Chelem, hein, qui doit être réalisé la même année. Novak Djokovic, c'est donc ce qui lui reste à faire. Fun. Fun Radio. Maintenant dans les stations Kiwet avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Kiwet. Vous avez toujours rêvé de repartir avec un overboard. Eh ben, hey, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a vous enfiler. C'est pas français, mais vous avez compris. Et on vous file aussi un Becherel. Et voilà, tout va bien. On aura du cadeau pour vous d'une valeur de 500 euros à vous filer. Je vous explique tout ça juste après la météo, mon Carlo. Les températures seront toujours bien supérieures à 25 degrés, hein, jusqu'à 27, 28, avec toujours un beau soleil en début de journée, avant le retour de quelques orages, accompagné de violentes ondes. Prochain rendez-vous info en ce qui me concerne, c'est demain à midi à tous. Une excellente soirée. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Calvin Harris et Rihanna. Salut. Fun. Fun Radio. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. La Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. You. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Vous allez être comme des petites folles parce que c'est le beau Drake qui arrive côté son dance floor avec One Dance sur Fun. All that I'm wishing for my friends, nobody makes it from my ends. I had to bust up the. Je vous ai calé aussi le son d'Axwell et Ingrosso juste après, mais avant ça, on vous avait promis de vous refiler un deuxième overboard. Je sais que vous rêvez de l'avoir, cet overboard. Vous allez pouvoir faire des balades, mais c'est génial. Hein. T'imagines, tu dois pas. Et avant, il fallait pédaler à mon époque. Maintenant, tu mets tes deux pieds dessus, t'avances un peu, et hop, le truc avance tout seul. Ça tue, ça. Moi, j'en ai vu qui faisaient leur course avec ça au Deleuze. Mais ouais, mais je rigole pas. C'est la folie, ce truc. C'est drôle. Moi, j'en ai un, mais tu sais. Ça a l'air con, hein, mais je mets ma voiture à 5 minutes de chez moi. Mais juste pour pouvoir revenir en overboard. Ouais, oh là là. Pour gagner du temps, je me mets sur l'overboard et je gagne 2 minutes. Mais je gagne 2 minutes. Le geek, quoi. Mais c'est vraiment ça. Il même fou. À la mer du Nord, maintenant, il loue plus les cuistax, il loue des overboards. Ça, c'est la classe, par contre. Ouais, et ben, comme quoi, je viens de me prendre un gros coup d'œil, quoi, tu vois. Genre, nous, on était en balai avec nos cuistax, il fallait pédaler et tout, on galérait grave. Et non, les petits, maintenant, ils veulent juste mettre leurs deux pieds tranquillou sur l'overboard et faire un tour sur la digue, tranquille, tu vois. Hop, tu te prends pas la tête. Donc, si vous aussi vous voulez faire la même chose, et bah c'est simple, il va falloir essayer de reconnaître je sais pas qui, puisque c'est Fab qui a choisi le son. C'est un film. C'est un film. Un film, mais c'est super connu. Ouais, mais c'est un acteur qu'on cherche ou c'est un film? Non, on va donner le titre du film. Ah, un titre de film. Ouais. Allez, on écoute. Pardon. Allez, c'est classique, c'est connu. En fait, là, je viens d'avoir un gros regret de me dire que j'aurais jamais dû demander à Fab de choisir un son. Qu'est-ce que c'est, quoi? Allez, c'est un vieux film, c'est méga connu, quoi. Mais t'es sur Fun Radio, hein, Fieu? Qu'est-ce que tu vas chercher? Mais des c'est trucs, un classique, tout le monde l'a vu. Ça date de quand? Oh, je crois que j'étais pas né, quoi. Le premier, j'étais pas né. Bah, regarde, non, exagère. T'étais pas né? Moi, j'étais loin d'être né. Et toi, t'étais même pas un projet, toi. T'étais même pas encore un accident. Oh, mais t'es une catastrophe ambulante. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, là. Le sixième, je crois. Ou le, mais donne un indice plus. Étalon italien. Et quoi? Étalon italien. Étalon italien. C'est un cheval? C'est un truc avec des chevaux? Oh là là. Ah, c'est presque ça. Non. Allez, un indice. Un indice. Le gars, il est resté coincé dans Astérix Obélix. Allez, un indice. Apollo Creed. Mais c'est nul, tes indices. Franchement, ça me dit rien. Moi, je connais pas. Box, c'est tout ce que je dirais. Box. Voilà, box. Ok, bon, bah alors, si vous avez idée. C'est du film, ça? Quoi? Box? Sandro, on va plus essayer de comprendre Fab. Peut-être que vous, de l'autre côté de la radio, vous êtes en symbiose avec lui. Si c'est le cas, eh ben, bonne nouvelle, parce que vous allez pouvoir repartir avec votre overboard d'une valeur de 500€ quand même. Hein. C'est le tout beau qu'on vous offre avec les lumières et tout dessus pour faire discothèque et tout dans votre chambre. C'est trop génial. Si vous le voulez, vous envoyez maintenant Fun, F-U-N, par SMS au 6322 avec le titre de film qu'on cherche. Ça a l'air évident d'après Fab. On va voir si vous l'avez. Je tire quelqu'un au sort juste après Drake sur Fun. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Avec Justin Timberlake, que ça se passe, il est de retour. Il y aura aussi Alan Walker, ça c'est le tout nouveau. C'est la première fois qu'on va vous le passer dans la Power. Ça arrivera juste après les People sur Fun Radio, n'est-ce pas Sandro? Mais en fait, j'ai une nouvelle console et on a écouté une musique avant. Non, il faut que je vous explique. C'est vrai qu'on a une nouvelle machine, vous savez, on a besoin d'une machine pour appuyer sur les boutons, pour envoyer la musique, pour envoyer les jingles. Et Sandro ne sait pas du tout gérer cette machine. C'est un peu comme si tu mets un pilote dans un nouvel avion et où il connaît pas la console, tu vois, genre waouh. Excuse-moi, mais regarde son front, les boutons, il devrait connaître. Oh, voilà. Bim. mais on passe au people. Je vais y aller, au revoir, merci. Ouais, mais mets le jingle avant de partir, s'il te plaît. Merci. Des paillettes, du glamour et. Fab. C'est l'actu people dans l'Happy Hour. Non mais ça va. Vous savez quoi, j'avais jamais vraiment maté la face de Sandro. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment analysé. Mais qu'est-ce qui se passe, Minou? Il est en 3D. C'est ça. C'est... En fait, tu peux me voir, mais tu peux me toucher en même mais temps. Mais comment ça se fait? C'est quoi tous ces boutons? T'as quel âge toi encore? Ouf, trop jeune. Non, c'est pour voir si t'es encore en pleine acné. J'ai 20 ans. Ah oui, c'est ça, hein, c'est l'acné. Oui, encore l'acné. Ouais. Dès que t'auras fait l'amour, ce sera parti. Ouais, c'est vrai. Il paraît que ça permet de faire partir les boutons. Ça ou tu fais du solarium, mais bon. Plutôt prendre le solarium. Bah, maintenant qu'il a une nouvelle amoureuse, Sandro. Et en plus de ça, faut que je vous dise, je balance. Non, je m'en fous. En fait, Sandro, il est parti en vacances, d'accord? Il a fait genre. On capte plus. Allez. Il a fait genre, ouais, je suis parti tout seul, tel un solitaire, vers la mer. Et à un moment donné. Dans les vagues. Et à un moment donné, sur les photos, on a vu qui? Une demoiselle. Je fais, ah bah, il était pas tout seul le gars finalement. T'emmerdes pas, la pêche a été bonne. Et bah ça, il a bien pêché le minou parce qu'il est revenu avec du beau poisson. Hein. Fiona, viens 2 secondes au micro, fais pas ta team. Ah, ça va, c'est bon. Allez hop, Sandro, maintenant, dresse ta copine. Hein. Allez, Fiona. Allez, Fiona, viens 2 minutes, mais fais écouter ta jolie voix. Histoire de prouver même aux auditeurs que c'est vrai. Parce que Sandro avec une copine, c'est, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Mais dis juste un mot, dis bonjour, vas-y, dis quelque j'aime chose. J'aime la Belgique. Oui, dis j'aime. Vas-y. Et voilà, franchement, elle a du pouvoir sur toi. Ouais. T'arrives même pas à lui faire faire un truc. Eh non, les femmes, qu'est-ce que tu veux? Ça commence bien leur histoire, je trouve. Mais ça, c'est la merde. Hein. T'imagines, chérie, fais la vaisselle. Non, tu commences vraiment à m'énerver. Donc, en fait, non, je vais pas la faire. Mais toujours est-il que Sandro a trouvé l'amour. Et ça, c'est beau, et oui. On ne pensait pas ça possible. Et bien, pourtant. Et du coup, dans l'histoire de l'équipe. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Fab, casé. Ouais. Kevin. Casé, mais c'est pas vraiment officiel, mais il est casé sans pour parler quoi. Sans gros casé. Je suis casé. Qui reste que toi? Et non, moi je suis casé aussi maintenant. Mais non, ah non. Mais non. Mais non. Eh ben je vous dirai pas. Quoi? Non, c'est vrai. Je vous expliquerai demain. Parce que là on n'a pas le temps. On était en train de faire les people. Les people. Attends, mais c'est plus important toi. Quel heureux pas élu? Quoi? Moi je peux pas dire. Moi je peux pas dire. Vous savez quoi? Demain on fera un pendu. Un pendu. Enfin, on va pas vraiment pendre quelqu'un, hein, mais on va essayer de deviner. On va pendre le petit copain d'Audrey demain sur le parking. Alors, on va se la jouer Clu Clu Clan. Venez avec de l'essence et des allumettes. On va déconner, les gars. Ça va être cool. Ouais, ça sera un grand moment. Ça, c'est clair. Non, mais je vous expliquerai demain, c'est promis. Pendant ce temps-là, c'est pas ça, mais on parle pas de ma life. On parle des people plutôt. Oui, oui bon, écoute, par rapport à ton annonce. Dépêche-toi parce qu'on a plus trop le temps. D'accord, pas grand-chose de spécial. Sauf qu'il y a une vidéo qui a un peu niqué internet ce week-end. C'est Justin Bieber et son pote Neymar. Ouais. Tu vois, qui font du foot dans le jardin. Alors peut-être que Neymar, il a eu pitié, il s'est dit, tiens, vu que la chanson, c'est pas trop ton truc, je vais t'apprendre le foot. Ouais. J'en sais rien, mais tu les vois tous les deux faire des passes, jongler, machin, dans le jardin, Justin. Attends, mais c'est ça ton info, people? Il paraît, hier, ma grand-mère, elle a fait du foot avec la voisine, c'était exceptionnel. Ils étaient dans le jardin, mais c'était génial, quoi. Ouais, des fois, je me dis. Ta grand-mère, elle était pas dans Voici. Non. Ah, alors c'est pour ça que je suis pas au courant. Non, mais quoi, c'est marrant de voir qu'il y a une partie de foot entre Neymar et Justin Bieber. Ouais, ouais. Non, mais. Et vous savez pas quoi? Ma mère, elle a fait des pâtes ce midi. Genre la bolognaise de dingue. Tu vois, genre là, on rigole bien. Et Sandro, il faut toujours qu'il en rajoute. La vidéo, elle a été vue 2,5 millions de fois sur Instagram. C'est fou qui joue au foot, on n'a rien à faire. T'as une autre info un peu sympa ou pas? Oui, c'est pas. Écoute, après celle-ci, je pense qu'elle est toute sympa. The Voice l'année prochaine, des nouveaux jurys. Zazie, elle a dit qu'elle allait se barrer. Il y a quelqu'un qui. Ouais, mais en fait, ça, c'est pas plus mal, hein, parce que Zazie, elle aime tout le monde, c'est chiant, elle bite jamais. C'est la seule qui s'est chantée dans les 4 jurés. Non, et Mika, il est bien. Hein. Tu rigoles? Bah si. Hein. Mais Mika, si, ma télé, elle a pété quand elle a vu Mika. Il s'habille d'une manière que tu sais pas quelle couleur il faut mettre. Bah, c'est cool. Je suis occupé à la régler à chaque fois que je le vois avec ses costumes là. Mais... rouge, bleu, vert. Oh là là. T'es trop jaloux parce qu'il a un style, c'est tout. Fab, toi tu te cherches encore. Quand même, t'as un t-shirt où il est marqué quoi? Bajabing. Badabing. Ah, Badabing, j'avais pas vu la barre. D'accord. T'as vu la striptease? Avec une madame à poil. Donc excuse-moi, mais t'as rien à envie. Enfin, Mika n'a rien à t'envier. Bon, du coup, c'est qui alors les nouveaux jurys? Eh ben, écoute, on parle de Lara Fabian dans The Voice. Alors, non. J'espère qu'elle va gagner. Oh non! Attends, Lara Fabian, mets-nous un coup de Lara Fabian. Enfin, un coup de Lara Fabian. Vous avez compris. Oh putain, ça fait mal, c'est aigu quand même. Non, mais fou! Mais non, attends, j'étais à fond dedans. Allez, remets. Vas-y, on se met tous en ambiance. Ouais! Non, tu vois, ça marche pas. Non, mais Lara, Fabien. Quand même, hein, c'est fort aigu, Fabien. On sait jamais. Il faut pas déconner quand même. Ah bah, apparemment, elle va peut-être remplacer Zazie dans le jury. Pourquoi ? Mais quelle bonne nouvelle. Comme ça, elle ira peut-être une fois jusqu'en finale. On sait jamais, tu vois. Ça, c'est bon. Ça. Bon, bah, du coup, on tient le dos à l'œil et ils vont dire ça quand ? Bientôt, il m'a dit qu'il m'appellerait. Donc on a appris aujourd'hui qu'il y avait deux gars qui jouent au foot dans le jardin et qu'on aurait bientôt une info, mais on sait pas quand. Merci Fab, on t'aime, ne change rien, tu es parfait. On va sur le son maintenant de Justin Timberlake sur Fun Radio. Il y aura aussi Alan Walker. Ce son est juste énorme, c'est tout nouveau et c'est la première fois que vous allez l'entendre sur Fun Radio. Ça arrive dans quelques petites minutes, bougez pas. Écoutez, ça s'est passé ce matin chez Evan et la tribu. Tour à Anvers, faut expliquer pourquoi tu ris. Ben oui, mais il montre des images avec des femmes très peu vêtues. Je suis en train de faire mes infos. Et ça te perturbe, et quand on sait que c'est Audrey de l'Happy Hour. Qui s'appelle Natalia le soir. Ouais, Et je savais pas que Audrey allait poser nue, dis donc. Ah si, wow. La radio ça gagne pas bien. Hein. Ouais, je sais, je suis au courant, merci. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. Grâce au Last Minute Appel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'espagnol. Deux cocktails. Dos cocteles. Et pour moi, le homard. Y para mí la langosta. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Fun Radio. Fun Radio. Fun le son. Dance floor. Sometimes it feels like my life's a battle and I think I'm losing my mind. When all that surrounds me is made of shadows. I'm just a lost soul that's made of paper, but your touch can color the white and bring back the beauty into my life. 'Cause it's a mad world, but it's crazy. On dit merci qui ? On dit merci Audrey et son équipe de nous faire marrer tous les jours. Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city,

nouveau son d'Alan Walker sur Fun Radio, la suite avec Ritza. Je m'en fous que ça se passe. C'était quoi ça? Je sais pas, je kiffe le son. Sandro, on dirait. Tu sais, genre les trucs en Russie qui font Hey. Je voudrais pas sortir avec toi, sérieux, ça doit être un peu la loose. Oh, c'est dégueulasse ce que tu fais. Mais t'es pas sympa. Je me fais bitcher par SMS au 3044. Pourquoi? Ça ne va pas du tout. Bah, parce que j'ai dit que le son d'Alan Walker, ça ressemblait un peu à Evanescence à l'époque. Ah ouais, il y a un petit air quand même très mélodieux comme ça. Bah non, parce qu'il y a un auditeur qui dit faudrait peut-être que tu réécoutes Evanescence. Bah, écouter Evanescence, c'était ça. Que c'était bien. Pourquoi vous faites de la danse contemporaine? Bah, de toute façon, Evanescence, soit t'as envie de danser du classique dessus ou alors de te pendre. C'est ça. Parce que c'était vraiment la chanson de rupture par excellence, quoi, à l'époque. Ah oui, mais dès que t'étais triste, écoutez ça. Mais toutes les filles écoutaient ça, c'était n'importe quoi. Et mais du c'est coup, un groupe de rock, non? Si tu veux, c'est du rock calme, hein, quand même. Donc, du coup, ça, c'est Evanescence. Remets un petit extrait d'Alan Walker, là, juste pour qu'on se rende compte. Sérieux, moi, je trouve que. Il y a un petit air de famille, ouais. Un petit côté mélancolique, comme ça. Oui. Tristesse. Que tu pourrais écouter si tu viens de te faire larguer par quelqu'un. Ça peut faire du bien. Donc voilà, Alan Walker, le tout nouveau. Sinon, ça va, Sandro? Ça va, je le trouve plus. Ah, bon, ce mec ne sert à rien. Sérieusement. Bon, tu trouves? Tu sais quoi, je vais te mettre dans l'embarras. Je vais te regarder jusqu'au moment où tu le trouves. Toi, t'es comme le H de hôpital, quoi. T'es inutile. Ça va, le recyclage de vannes, toi? Quoi? Oh là là. Quoi? Écoutez Alan Walker. Bah oui, c'est ça, hein. Ah, ça y ressemble. Remind me how it feels to hear your voice. Sauf que la chanteuse ici, elle parle du nez. Ouais. Bah, moi, sérieux, je trouve que ça ressemble à une. Bah ouais, il y a un petit air, quoi. Vous en pensez quoi, vous, de l'autre côté de la radio? 3044 pour vos petits messages. Mais on a des nouvelles ou pas d'Evanescence? C'est peut-être elle, en fait. Non, je crois pas, non. Non, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle fait, Evanescence. Bon, allez, donnez-moi votre avis au 3044. Pendant ce temps-là, on va accueillir Jonathan, qui vient d'Ixelles. Bonjour, Jonathan, comment ça va? Bonjour, ça va? Bah ouais, et toi? Super. Qu'est-ce que tu fais de beau, Jonathan? Qu'est-ce que je fais de beau? Eh bien là, je suis dans la voiture, sous la pluie, à attendre impatiemment que ça s'arrête pour enfin pouvoir rentrer chez moi. Jonathan, je te sens tout petit peu tendu. Je sens ça. Je sens que tu commences à en avoir marre. Ah non, pas du tout. Non? Il pleut à ce moment-là, quoi. Tu vas pas rouler. Je suis pas encore tendu, non. Je veux pas savoir, Jonathan, c'est bizarre ce que tu viens de dire. Bon, Jonathan, tu vas peut-être repartir avec ton hoverboard d'une valeur de 500 euros. On est à la recherche d'un film. Il faut me donner le titre moi-même. Je ne l'ai toujours pas trouvé. On réécoute et tu me donnes ta réponse juste après. Et pas l'air content, le monsieur. Hein. Bon, alors, Jonathan, à ton avis, c'est quoi comme film? Je vous avais envoyé la proposition, le cube. Le cube, c'est cube, ça? Cube, ouais. Cube. Le tube ou le cube? Le cube. Ah, quoi, le cube? Je connais pas ce film. Le cube, c'est un cube. Est-ce que c'est ça, Fab? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Jonathan, c'est pas dans le cube. Je suis désolé, c'est pas la bonne réponse, Jonathan. Tu retentes ta chance, du coup, d'accord? Il est parti. Jonathan? Il s'est noyé. Oh non! Arrête, c'est pas drôle. Bah, du il coup, a c'est... raccroché. Mais c'est quoi le cube? J'ai jamais entendu parler de ce film. C'est un film d'horreur, ça n'a rien à voir. Tu vois, tu choisis des films aussi que personne connaît, quoi. Les auditeurs, ils y arrivent pas. Donne un indice. Bon, alors, on a dit Étalon italien, on a dit Box, on a dit Apollo Creed, il y en a eu 5. On me dit Mission Cléopâtre. Bah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sans donner la réponse, quoi? La première lettre du film. R. R. Bon. Ah oui! Oui. Et je peux donner aussi un indice? Bah, t'as trouvé? Oui, j'ai trouvé, là, oui. Ok, vas-y. Voilà! Ouais. Ok. La scène de course? Bah, moi, je vois pas. Je vais pas faire semblant, je vois pas. Donc, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Je vous laisse une dernière chance de pouvoir vous inscrire. Et je fais le tirage au sort juste après le son de Ritza, maintenant que je vous ai calé avec Je m'en fous sur Fun Radio. Si vous voulez repartir avec votre hoverboard d'une valeur de 500 euros, celui qui va à 15 km/h, vous allez pouvoir dépasser votre mamie qui sera elle en train de galérer avec son petit truc là, avec sa chaise roulante. Allez-y, vous envoyez Fun, F-U-N, par SMS au 6322 avec le film qu'on cherche. Bonne chance tout le monde. Et pendant ce temps-là, on se fait Ritza sur Fun. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous. tu me tournes autour, je m'en fous. Plus rien ne me blesse, tu perds ton temps, tu me testes, mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste, que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous. Rien à faire. Tu as raison, oui, j'ai tort. Moi, je préfère me taire. Ouais, au fond, je m'en fous. La suite du son Dance Floor, c'est avec Martin Solveig que ça se passe sur Fun Radio. Do it right! Oh là là, je vois ce qui arrive aussi, c'est bon ça, Enrique Iglesias. Je connais, j'aime bien ce monsieur et j'aime bien ce qu'il fait. Il faut savoir que Fab, sérieux, il travaille sur Fun Radio, mais question son Dance Floor. Mais t'y connais mais moi, que dalle. Mais non, mais c'est bien parce qu'avec vous, au moins, comme ça, je me rajeunis. Je prends une cure de jeunesse. je découvre des choses. J'ai l'impression d'avoir genre mon père, tu vois, qui est venu dans l'émission pour se faire une seconde jeunesse. Tu vas bientôt faire ta crise de la quarantaine, toi? Ouais. 38 balais, c'est prévu, c'est prévu, ouais, c'est prévu, oh au programme. Hey, c'est ça, Enrique Iglesias, écoute. Non, là, tu te moques de moi, ça, c'est Nils Van Zandt. Oh up and down. Wow. Merci, merci, s'il vous plaît. Attends, vas-y, teste un peu Fab sur d'autres sons pour voir s'il connaît. Tu dois donner l'artiste, Fab. Ok. On va voir. Attends, si tu gères. Ouais. Allez, vas-y, Sandro, trouve des trucs un peu compliqués. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Amine. Oh, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Et là. Ouais, je peux faire un sans faute. Vas-y, quand tu veux, mec, je suis chaud. On en fait encore deux. D'accord? Encore deux. Ouais, allez, encore bien. Deux sons, on va voir. Là, Sugar, how you get so fly? Non, Fab! Tu ah j'ai attaqué. Bah, ça va le titre, c'est bon, Sugar, how you get so fly? Non, c'est loin d'être ça le titre. Non, vas-y, ça commence par R. R. Robin Chou. Robin Chou! Ouais! Ouais! Attention, merci. C'est parti pour la. Le dernier, ouais. Tu vas voir, je vais l'avoir. Ah, bah, c'est. C'est tout del corazón, c'est Enrique Iglesias. Oh, ouais. On peut applaudir Fab. Bravo. Et bah franchement, il y a de l'amélioration. Je suis fière de toi. Tu sais. Merci, très merci, très fière. Bon, sinon c'est pas tout ça, mais on a l'overboard à filer là qu'on n'a pas encore fait. C'est Fiona qui est là, qui vient de Bruxelles. Bonjour Fiona. Bonjour Audrey. Oh, quelle jolie voix. Ça va Fiona? Ça va et toi? Bah écoute, ouais, ça va. On est sous la pluie ici à Bruxelles, mais comment ça se passe toi de ton côté? Bah t'as Bruxelles aussi, donc il pleut pas. Bah il pleut aussi, exactement. Ah bah voilà. C'est juste qu'on a plus accès à l'extérieur, on voit plus rien. C'est scandaleux, on nous a bouché les fenêtres, on ne voit plus rien. J'ai l'impression d'être dans une cage à rats. C'est très très agréable. C'est ça quoi. Bon, Fiona, on est à la recherche du titre d'un film que Fab a choisi et qui donc par ce est compliqué parce que personne n'a trouvé jusque là. Et bah si, parce que quand je vois les SMS qui arrivent, je peux te dire que les auditeurs ils galèrent. Alors Fiona, je te le fais réécouter une dernière fois. Donne le titre juste après. Ok, pas de souci. Pour moi, c'est le principal. Adrien. et il gueule comme ça tout le temps dans le film ? Non, juste à la fin pour remercier sa femme. Ah bah c'est très charmant. Parce que pendant tout le film, il boxe, en fait. C'est très romantique tout ça. Bon, Fiona, à ton avis, c'est qui ? C'est quoi comme film ? Bah moi, je pense que c'est Rocky. Rocky ? Ah, mais c'est pas con, ouais, ça ! Ouais, c'est Rocky ! Oui, voilà, c'est ça ! Bien joué ! Rocky Balboa ! Merci ! Eh mais c'est pas con, j'avais pas pensé à celui-là. Ah, là, avec la musique et tout qu'il a émis tantôt de quand il court dans la rue. Mais j'ai jamais vu le film. T'as jamais vu Rocky? Non, il faut que... et c'est un beau film. Mais je connais deux noms en tout cas. Fiona, félicitations, tu repars avec ton overboard, ça te fait plaisir? Merci beaucoup Audrey, c'est gentil. Bah de rien. Je te fais des gros bisous Fiona, tu raccroches pas, comme ça on va reprendre toutes tes coordonnées hors antenne, d'accord? Merci beaucoup la Piawa. Bon ouais, de rien, gros bisous Fiona. Et si vous aussi vous voulez repartir avec un overboard, c'est possible, hein, on en aura plein filé pendant toute la semaine. Il suffit juste de rester branché à partir de 17h sur Fun Radio. Pour ceux qui viennent peut-être de se brancher pour la première fois sur Fun, la Power, c'est de 17h à 20h du lundi au vendredi. La suite du son dans un instant, c'est avec le beau Enrique Iglesias, mais juste avant, on se le son de Martin Solveig maintenant. Welcome tout le monde. Est bien là sur Fun Radio, c'est le son d'Enrique Iglesias qui arrive dans un instant. C'est bien ça pour mettre un peu de soleil dans votre voiture, parce que là dans c'est votre cœur. Oh, c'est beau Sandro. Je sais. Oh Sandro, tu viens de toucher droit au cœur direct comme ça, bim, avec une flèche. C'est dommage, c'est qu'au cœur. Oh, ça fait mal. C'est dommage. Ah, ça c'est depuis qu'il a une amoureuse, hein. Hein? Eh ouais, romantique, qu'est-ce qu'il y a hein? Il est venu avec sa moitié dans le studio. Sa moitié, et on est mariés. Pas parler. T'as raison, Sandro, profite, on a juste une vie, quoi. Oh. One life. One life. Just one life, ça c'est le hashtag préféré de Sandro. Ouais, c'est vous allez life. Voir sur son Facebook, il met des hashtags tout le temps. Hashtag just one life, hashtag quoi? Hashtag j'emmerde les jaloux. C'est ça. Hashtag c'est trop bien fait la vie. Hashtag ça pourrait être une bière, en fait. Je croyais d'abord c'était de la bière. On est un mouvement, on est un groupe, on est une communauté. Non, t'es tout seul dans ton groupe, bon, Sandro, mais c'est okay. Pas grave. Il y a de l'espoir, il y a de l'idée aussi. Bon, on a Mike qui est là, qui est venu nous rejoindre dans l'émission, parce qu'à bonsoir, partir de 23h. Bonsoir tout le monde, ça va bien. Bonsoir la nouvelle copine de Sandro. Enfin, la copine du lundi, parce que t'es complètement différente de la copine du jeudi. Mais tais-toi. Merci. Mais Mais là, elle est bien. Non, alors je vous explique les garçons. Dire à une fille t'es mieux que celle du jeudi, ça ne marche pas. Hein. Je vois que j'ai fait une boulette, j'essaye de rattraper le truc. En gros, ça résume bien l'émission de 23h. Ce n'est que des boulettes jusqu'à 2h du matin. C'est ça, c'est une boulette sur pattes. Sur notre page Wikipédia, il y a marqué boulette de la direction de Sun. Hein, c'est vrai. Et ça, c'est beau. Bah, au moins, vous repartirez avec un trophée, les gars. Et ça se mérite, hein, ça. Oui. Bon, alors, il y aura quoi à partir de 23h? Et ben, ce soir, on se fait le retour du si pas bien sur Fun Radio. Il y aura aussi, on va faire le clash Zik. Alors, je t'explique. Je te propose un petit duel, Audrey. Bon, ça y est. Je te donne un thème. Ouais. T'as la machine devant avec toutes les musiques de Fun Radio à l'intérieur. Tu choisis les musiques que tu veux et t'essayes de me placer le son le plus ringard en rapport avec ce thème. Est-ce que je suis clair? Ok, j'ai compris. Alors, le thème que je t'ai sélectionné expressément pour toi, les chanteurs ou les chanteuses qui n'auraient pas dû commencer leur carrière, mais on se souvient d'eux pour leur organe, mais pas celui qu'on pense. Alors, attends, est-ce que t'es prêt? Et c'est chez vous à la maison 3044 et puis dans l'équipe aussi qui donne les points à moi ou à toi. Allez-y, hein, si vous avez des idées de titres bien ringards, genre le mec, on se souvient pas vraiment de lui, mais bon. On se rappelle de son organe. C'est déjà ça. 3044 pour vos messages. Alors, j'ai Chris Bieber. Ah, c'est l'acteur de porno, ça. Mais c'était mes sons, ça. Je fais ce que je veux. Et moi, j'ai choisi Chris Bieber. Mets-moi le son qui est juste à côté, à gauche, mon Sandro. Ah oui. Voilà. Frankie. Ah, c'est Frankie, non? C'est Frankie Vincent. Oui, c'est ça. Ouais. À qui va le point? À Fab. Allez, à Fab. Parce qu'il gagne jamais rien. C'est Watt ou Audrey qui a rien compris au jeu. Je pense que c'est la meilleure. C'est pas produit. Compliqué comme jeu pourtant. Moi j'ai rien compris à votre jeu. Vous avez rien compris. Mais c'est celui qui a balancé la chanson la plus ringarde, vous me faites chier. Ah alors c'est Audrey. C'est Audrey qui a gagné. Et ben alors c'est moi. Chris Bieber, il n'y a pas plus ringard que Chris Bieber. Hein. Ça fait un point pour moi. Bon, Javi, on fait un deuxième round. Allez, vas-y. Passe-moi celui-ci là. Clara Morgan. Oui, on se souvient de son organe, de sa luette hein, qu'on a vu souvent d'ailleurs. Eh ben, moi je dis un autre, voilà. Alors c'est qui? Yaoutoufoui, c'est C'est qui ça? C'est Lisa Monet, putain. Lisa Monet. Mais franchement les gars, sérieux, si vous voulez entendre des trucs pareils, branchez-vous à 23h. Il y a que dans cette émission que vous entendez des trucs. Bon, on le refera pas ça chez toi, Audrey. Bon, si vous voulez aller jouer à ce jeu, rencard à partir de 23h, il y aura du cadeau à choper avec l'Open Space. Là maintenant, on va vous laisser parce que c'est l'heure d'accueillir Vince en mode libre antenne, 20h-23h, et on vous laisse avec le son d'Enrique Iglesias sur Fun Radio, et on vous donne rencard demain à 17h. Ciao, les amis. Bisous. Bisous. Tous les soirs, dès 23h, Libertan, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. Salut Natacha. Hello. Hello Nat. Tu veux me parler de ton copain? T'as fait une étonnante découverte sur sa personne ce week-end. Mais j'ai vu mon copain avec un autre gars et en fait il est bi. Les gars, je vais faire une confession, moi aussi je suis bisexuel. Je fais l'amour que deux fois par an. Rencard ce soir à 23h pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space avec Mike. Le soir sur Fun Radio. Le tout nouveau Samsung Galaxy S7. Vous en rêvez? Avec l'avenir, offrez-vous votre smartphone ainsi que toute l'actu belge, internationale et celle de votre région pour seulement 28€ par mois. Faites-vous plaisir et profitez de cette offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir est au contenu. Restez là! Dans moins de 15 minutes, ce sont des barres de rire et des gros cadeaux avec la libre antenne de Vince des 20h sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. You keep on taking me higher. Taking me higher. I can't calm down. Searching for something. Searching for something I never found. My love for you.

addicted to the rush. Start looking for your queen and sip on Jack and